23 octobre sur Énergie. Il est 6h. Bonjour. Bonjour. On espère que tout va bien aujourd'hui. On va démarrer la journée tous ensemble avec vous dans la bonne humeur, évidemment, comme tous les jours. Ça commence à cailler quand on se réveille. Là, je sais pas si vous comment ça se passe, mais. Ouais. Ah ouais. Je dans deux jours, on gratte. Arrête. non, mais je vous jure, le plus dur, c'est quand tu as les petits orteils, tu sais, qui sortent de la couette et tu dis oulala, mais il fait froid dehors, dis donc. Oh, mais dis donc. Ah bon, tu dors dehors? Oh, ce matin, je peux te dire que j'ai failli pas être là. Hein. C'est vrai? Ah oui, j'ai snoozé. Puis à un moment donné, j'ai dit. Bon, faut y aller quand même. Ouais. Mais non, ça commence à cailler. Courage à vous en tout cas. On est là comme chaque matin avec les fifous qui sont là. Il y a Tiffany au standard. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Marco. Comment ça va? Bah, très bien. Mais sa veste en cuir aujourd'hui. Et là-bas, l'homme à la moto. La roqueuse de diamants. Oh, les références. Voilà, c'est plutôt la roqueuse de bronze que de diamants. Mais elle est là. Il ouais. Y a Frisco qui est avec nous aussi ce matin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il a mis sa petite veste de cosmonaute aujourd'hui. Tout ouais, va bien. Allez. Tout va bien. Moi, je suis prêt pour aller dans l'espace. Il y a Jérémy aussi qui est là. Hello. Mais ouais, on prison, petit pull avec la chemise. Ah non, il n'y a pas la chemise. Il n'y a pas de chemise aujourd'hui. Oh, il n'y a pas de chemise. C'est pas tous les jours, hein, non plus. Chemise, il n'y a pas de béouille alors. Parce qu'après, il faut repasser. Hein. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça, en fait, le problème. Il y a Aurélie de la Reda qui est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour. Un petit point sur la météo pour aujourd'hui. Ah, mais le temps sera généralement sec aujourd'hui. On aura même des éclaircies un peu frisquées, entre 9 et 13 degrés. Ouf. Ah, sympa. Et on a notre stagiaire aussi, Thomas, qui est là quand même. Dis bonjour, mon Thomas, puisque tu vas travailler dans un instant. Ça va? Ouais, ça va très, très bien. Bien dormi? Ouais, bien dormi. Excellent. C'est parce que ton visage reflète, mais. Tu es un peu boursouflé. Thomas, notre stagiaire qui va nous faire un chant et parle dans un instant, on va tous jouer. Il nous a préparé ça hier, voilà. Je n'ai absolument rien vu, donc je vais pouvoir jouer avec vous. Rappelle un peu le but du chant et parle. Il faut parler et puis il faut chanter. Ouais. non, en gros, il va lire les paroles. Et on doit retrouver la chanson. Ouais, parce que j'allais dire Thomas qui doit chanter, c'est pire que moi. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux, vraiment. C'est sur une échelle de 1 à 10, on est à 11. Zed qui arrive dans un instant, côté IT, Dimitri Vegas. Bah oui, c'est ici que ça se passe, un réveil dans la bonne humeur avec vos hits préférés sur Énergie. 6h02. It's true if you believe, you can get anything you want to achieve. And that's worth to everything tatted on my sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. 10 toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. I'ma always give my all, yeah. Haters talking down and wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the cost, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing out. promise you could be a legend too. 6h05 sur Énergie. Bon réveil avec nous. Z dans un instant. You're a world away, somewhere in the crowd. J'adore ce titre. Ça, à chaque fois, ça me rappelle mon enfance, là où j'allais m'habiller. Pourquoi? Chez Z. Vous connaissez pas ce magasin? Non. Eh ben voilà, c'est un magasin pour les enfants. Il s'appelle tout pareil. Mais vraiment, okay. Très drôle. On écoute ça dans un petit instant sur Énergie. C'est ce qui arrive. Et là, à 6h05, on va se réveiller comme il se doit avec un chante-et-parle. On va jouer direct. Direct dans le banc avec Thomas, notre stagiaire, qui nous a préparé ça de main de maître. Enfin, j'espère. Enfin, de maître, je sais pas, mais en tout cas de ses deux mains. Et de main gauche, hein, parce que. De main de maître. Eh, mais voilà, toi, t'es en forme aujourd'hui. Mais... Les blagues, c'était hier, Tiffany, sinon. Oh purée. Oh, je sens qu'elle va cagnoter aujourd'hui. Elle va mettre dans la cagnotte, oui. Tiffany, aujourd'hui. Non. Ouais, trop on fire pour. Non. À 6h06, on peut lui laisser. La première, elle est gratos, elle est pour nous. Oui, mais c'était déjà la deuxième. Et ben, la troisième, c'est mort, je te dis tout de suite. Z, tout de suite sur Énergie. Avant ça, donc, on joue au chant et parle ce matin. Donc, on rappelle le concept très simple. Thomas, notre stagiaire, va nous lire des paroles sur un ton endiablé. et je vais mettre même encore compliqué le truc. Je vais mettre d'autres musiques derrière, comme ça, vous allez devenir fous. Et puis le but donc c'est de retrouver l'artiste. Mais alors vu qu'on fait ça entre nous, les gars, il faut le titre. Ok. Le titre. Ouais. Okay. L'artiste ne suffit pas. Ah attends, oui. Mais bah c'est oui. Déjà chaud comme ça. Oh, petit joueur. Petite nature. Bah oui. Dis. Nous, on est fort à ça. Attention. Quand tu veux avec le premier extrait. Pour faire une chanson facile, faut d'abord des paroles. Oh Tiffany. Débile. Patrick Sébastien. Mais oui. Comment le plus facile. Et attends. C'est la chanson. La chanson. Frisco. Non, c'est tourner les serviettes. Non, c'est pas Frisco. Ça. Frisco. Les serviettes. Ouais, c'est ça. Allez, bam, c'est moi qui ai gagné. On partage le point. Ben non. C'était donc quoi? Les sardines. C'était ça. Ah, et ben je l'ai pas, donc on va mettre un autre. On va. Ah si, je l'ai. Les sardines, magnifique. Chante les sardines. Chante les sardines. C'est violent. C'est violent. Ça pique aux oreilles. Dans la tronche. Allez, on y va, deuxième extrait. Un point pour Frisco pour l'instant. Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Comme si je devais faire un effort pour t'écouter. Ah, Frisco. Comme si c'est Orelsan et c'est Paradis. Ouais, exactement. Oh là là, ouais, mais bon, si on commence à aller dans des répertoires comme ça. Ah, tu vois, je t'avais dit, Marco. Sans déconner, ça va, hein. C'est Orelsan. Ah. Ouais, mais bon, il prend le 13e titre de son album que personne n'a écouté. Mais si, c'est son nouveau clip, etc. Mais vous connaissez rien, vous, hein. Je l'ai. On ira tous au paradis. C'est pas celle-là? Non. Ouais, écoutez, moi, je n'avais que ça en stock. Allez, troisième extrait. Calme-toi, Frisco. Mec, à 3-0, je lâche la manette. Hein. Oui, on est d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là, sous ma poitrine, Une rage sommeille? Marco. Tiffany. Mais évidemment, non. Léa Passy. Non, Tiffany. Elle est de retour. Elle est de retour. Non, mais non. Et il faut savoir que l'année dernière, dans Terminé Bonsoir, on faisait ce jeu, et je vous jure, c'était comme Stéphanie de Monaco. Ouais. À chaque fois, je répondais, Léa Passy. Il est jamais passé. Le jour où ils l'ont mis, c'est Frisco qui a pris. Je t'ai écouté. Tiffany, c'est Amir. Non, c'est pas ça. Une rage. Allez, vas-y, continue. Que tu ne soupçonnes pas. Prends garde, sous mon salat, grenade. Oh, Tiffany. J'aime. Tiffany. J'aime. Je ne sais pas qui a dit en premier. Moi, j'ai dit Jérém trois fois. Eh ben, disons Jérém. Ah, ça. Mais t'es con. Attends. Tu crois qu'on va passer trois jours? Clara Luciani, sous la grenade. Oui, c'est la grenade tout court. La grenade. Frisco, un point pour Jérém, le petit dernier, j'ai envie de dire que le dernier est à 5 points. C'est ça, celui qui trouve, il fume tout le monde. On m'avait dit que les hommes sont tous pareils. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. C'est Patrick Bruel. Oui. Laquelle? Allez, ouais, c'est ça. C'est 5 points pour Aurélie de la Reda, qui du coup qui va gagner ce jeu. Et ça c'était quoi? Nerveux, ce jeu. Qui a le droit? Qui a le droit? Là. Ouais. Sauf que là il y a 8 minutes d'intro. Et c'est surtout que c'est l'instru, je crois. Salut, c'est Patrick Bruel. 6h10 sur Énergie. On se réveille avec Patoche. Que disent les grands? Choisir entre Patrick Sébastien et Patrick Bruel. à dire merci. Ah, qu'est-ce que on merci avait dit. Merci à qui? À quoi? On est pas vraiment dans le tempo de Patrick Bruel. C'est bien, c'est toi qui t'en rends compte. Et le beau temps. Oh là là, non, mais j'aime bien ce chant des paroles qui se transforme en karaoké. Mais c'est fait, attention. Bon, attention. Bah, c'était là. The... C'est bon, passe, allez, lance Z là parce que c'est le massacre, le massacre. Incroyable. Ouais, ça a réveillé Patrick, je suis sûr. Voici Z sur Énergie, 6h11. Bon réveil, bienvenue, c'est le 6-9. Somewhere in the crowd, in a foreign place. Are you happy now? There's nothing left to say. So I shut my mouth. So won't you tell me, babe? Are you happy now? You're the only one who can up and run. Leave me just as empty as the day you came. You hold all the sur Énergie, 6h13, Amir dans un instant. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Eh ben, éteins-toi. Dans un petit instant, on va parler avec Tiffany, puisque Tiffany a été testée un métier. C'est avec le forêt, on fait ça. Ça va être une fois par mois ou tous les 3 semaines, plus ou moins. 15 jours, 3 semaines. Bref, ça sera quand ça sera. En tout cas, c'est aujourd'hui avec le métier que Tiffany a découvert. C'est quoi? C'est chaudronnier. Ouh, ouh, ouh. Ah ouais, au début, je pensais que c'était juste pour faire des chaudrons, mais c'est bien plus que ça. Eh oui, oui. Quand c'était Halloween, on t'envoyait faire des chaudrons, c'est ça? Oui, on s'est dit, hey, Tiffany la sorcière, bim. Elle va nous expliquer ce métier de chaudronnier qu'elle a fait dans un instant. Vous pourrez voir la vidéo aussi qu'on va vous poster sur notre groupe, évidemment. Enfin, ça a déjà été posté, mais enfin, faut le partager, c'est tellement bon. Tiffany en chaudronnière, elle nous explique ça dans un instant sur Énergie. Ça arrive juste après Amir. Les mardis d'avenir du Forum, des métiers à découvrir, une formation à choisir. Jeune.leforum.be. C'est le 6-9. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ! Energy Music Awards.

jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. 6h20 sur Énergie, on espère que tout va bien ce matin. Oh, si vous n'avez pas, vous inquiétez pas, ça va aller puisque Tiffany va vous raconter son expérience de chaudronnière. Oui, Tiffany a été chaudronnée. C'est avec le Forum, on découvre des métiers. Je trouve ça génial puisque chacun de notre tour, on va découvrir un métier. Jérémy, il passera aussi, Frisco également, et moi de même. Et donc là, c'est Tiffany qui a été découvrir le métier de chaudronnier. Explique-nous à quoi ça consiste, chaudronnier. Parce que c'est vrai que quand on dit ça comme ça, on a l'impression qu'on fait des chaudrons. Bah oui, je pensais que j'allais taper le cuivre pour faire un chaudron. En fait, rien à voir. Non, c'est un métier manuel, mais c'est surtout le pliage de tôle, de plaques en inox, la soudure, etc. Et franchement, j'ai été à Momigny, donc c'est pas très loin de la France, pas très loin de la frontière. Ça, on le saura qu'elle est passée en France pour y aller, les copains, pour qu'on vous raconte l'anecdote après. Mais bon, vas-y. Mais voilà, donc c'est un métier vraiment manuel. Il y a des études pour ce métier-là, mais c'est surtout l'expérience qui va primer, puisque c'est un métier de patience, de... comment dire ? Ah ouais, c'est bien, ouais. Manuel, ouais, voilà. Oui, voilà. Et alors, t'as soudé ou pas ? Oui, alors, expérience dingue de ma vie, j'ai soudé. Alors, on voit la différence entre la soudure de Jean-Marie, qui était avec moi, et qui a soudé une partie, et puis moi, qui est tout dégommé, quoi. Moi, je soude, mais je passe à travers la tôle. Qui a tout cassé. Voilà. Est-ce que c'est un métier intéressant pour toi, sincèrement ? Bah, objectivement parlant. Pour moi, oui. Bah, c'est un métier d'avenir. On n'en entend pas beaucoup parler, chaudronnier, moi je ne savais même pas ce que c'était, donc j'ai vraiment été contente de le découvrir. Mais moi personnellement, je n'irais pas, c'est un métier vraiment masculin. Quoi. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de... Eh ben pourquoi pas. Mais on pourrait. Ah oui, il y en a une. Physiquement, tu aurais pu le faire, tu n'étais pas cuite à la non, fin de la journée. Contre, non, elle n'a pas contre, bu. Par contre, il faut quand même avoir une certaine force physique puisqu'il faut porter les plaques de tôle. Et ça, c'est pas toujours évident. Et alors, non, mais c'est vrai, parce qu'on parle souvent de l'armée, que c'est un métier très masculin. Pourtant, il y a des femmes qui arrivent dedans. Il faut arrêter de dire que les métiers sont très masculins, parce que je suis pas d'accord avec ça. Il y a peut-être des débouchés pour vous, mesdames, dans la chaudronnerie. Oui, c'est vrai. Voilà, il faut arrêter de croire ça. Il n'y a pas de métier masculin ou féminin, c'est tout. On est tous pareils, quoi. Ouais. Enfin, quand je réfléchis, il y a quand même des métiers qui sont peut-être plus réservés à certains que d'autres. Vraiment. En tout cas, voilà, c'est un métier qui vous intéresse, qui pourrait vous plaire. Si vous avez envie de faire ce métier, chaudronnier, allez découvrir déjà la vidéo de Tiffany. Ça, vous en saurez plus sur son expérience, comment ça s'est passé. On va la partager sur le groupe. Évidemment, la page Énergie Belgique, elle est dispo déjà dessus. Et vous retrouvez toutes les infos et les liens si vous voulez faire la formation aussi pour devenir chaudronnier. C'est sur notre site énergie.be. Merci pour ce grand moment, Tiffany. Mais franchement, ça vaut le coup. C'est vrai ? Il faut expliquer pourquoi elle est partie. C'est pas ah en oui. France. Non, mais elle ne sait pas conduire, tout simplement. Parce que je me suis perdue avec mon GPS. Et alors, il faut savoir, comme on est quatre à y aller, elle en veut à nous, à croire que c'est nous qui l'avons envoyé à l'autre bout de la Belgique, quoi. Ouais, mais j'ai mis 2 heures pour y aller. Mais... Et je suis passé par la France, monsieur, la France. Ah, on le saura que t'es passé par la France. Le pays des étoiles, j'ai pas arrêté de le traverser. La France. Merci, mais... Tiffany. Voilà. Énergie.be pour aller retrouver toutes les infos. Les mardis d'avenir du Forum, des métiers à découvrir, une formation à choisir. Jeune.leforum.be. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Cette semaine, c'est Énergie Orange qui régale, le tout nouveau bijou de technologie. iPhone XR pour chez vous, si vous voulez repartir avec ça ce matin, on vous appellera à 9h pour vous annoncer la bonne nouvelle. Il suffit de vous inscrire maintenant. Vous envoyez le mot code PHONE, tout simplement PHONE, par SMS au 6018. PHONE au 78, 100 euros le message envoyé reçu. 2 euros pour un GSM qui en vaut quasi 1000. Pas cher payé ce matin. Et vous l'avez avant tout le monde. Oui, on le répète, ce sera vendredi matin dans l'émission publique. Orange qui viendra vous apporter les GSM, l'iPhone XR, ils vous les donneront. Donc vous l'aurez vendredi matin, c'est sûr. Avant 9h, vous avez votre iPhone XR. Inscrivez-vous, phone au 6018. Et on écoute Jane juste après. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Moi, ma main, je l'attends. Donne-moi ta main, gamin. Et reprends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin. Et reprends la scène, nous tournerons en rond, allez, ma peine. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la sienne, tourne. La grande poupée princesse Disney est à 19,95€. Qui a dit que les princesses étaient inaccessibles? Des prix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. 6h31 sur Énergie. Jane, dans un instant, côté hit. C'est ce qu'on va écouter avant un petit point sur la météo pour aujourd'hui. Le temps sera généralement sec. Aujourd'hui, on aura quelques nuages. Oula, de belles éclaircies, des températures entre 9 et 13 degrés. Allez, enlève ton chat. C'est bon. Si on passe sur l'actu de ce mardi 23 octobre, 6h31, c'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. On peut mieux faire pour les écoles francophones. Malgré les efforts, les classes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont toujours moins bien équipées en matériel informatique qu'en Flandre. Au nord du pays, les écoles disposent d'un PC, d'un portable ou d'une tablette pour 3 élèves en moyenne. En Wallonie, c'est un appareil pour 9 élèves. À Bruxelles, on tombe à 11 élèves. La bonne nouvelle, c'est que des efforts sont réalisés. Le parc informatique des écoles francophones a ainsi progressé de 38% entre 2013 et 2017. Concernant les tableaux interactifs, 93% des écoles primaires flamandes sont équipées. On en compte seulement 45% en Wallonie, 40% à Bruxelles. Rappelons que le pacte d'excellence prévoit de développer le numérique dans l'enseignement. Dans le dossier Carrefour Market, la conciliation n'a pas abouti. Après plus de 10 heures de discussion, direction et syndicats ne sont pas parvenus à un accord. Ce qui coince, c'est la demande d'hyperpolyvalence demandée par les patrons. Du coup, le préavis de grève est maintenu dans les magasins pour jeudi, vendredi et samedi. Rappelons que la direction a annoncé une restructuration au mois de mai dernier. L'affaire du football gate se poursuit hier. Peter Maas, l'entraîneur de Lokeren, a été arrêté. Il sera présenté aujourd'hui au juge d'instruction. D'après la presse flamande, le coach serait inquiété pour ses liens avec l'agent Dejan Veljkovic. Enfin, sur le terrain, on joue la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions ce soir. Athènes affronte le Bayern à 18h55. À 21h, l'Ajax fait face au Benfica. Manchester United joue face à Juventus. Autre match de la soirée, Rome, CSKA, Moscou et Shakhtar, Manchester City. On m'a dit que les patrons d'autres radios écoutaient le 6-9 sur Énergie. Eh ben, qu'ils les prennent chez eux. Eux, ça leur rend service, et nous, ça nous débarrasse. Bah ouais. Sympa, on est bien ouais. Ici nous. Non, moi je vais rester sur Énergie, c'est très bien. C'est bon, moi j'aime pas les dauphins, j'aime bien la panthère, on est bien ici. Bah ouais. T'as très bien même. 6h34, bonjour. Le 6-9 est là comme tous les matins, on vous réveille, on vous accompagne jusqu'au petit-déj, on vous accompagne jusqu'au boulot, jusqu'à l'école et surtout jusqu'à 9h avec vos hits préférés. Jason Derulo qui arrive, Jane tout de suite et juste après, c'est les sondages du mardi. On va revenir avec des petits chiffres et notamment du chiffre belge. Si je vous dis qu'un homme belge sur 3 ne l'a jamais fait dans sa vie, mais jamais. Never or never. Never, never. Never, never. Donc ici, soit Frisco, soit toi, soit moi, on l'a jamais fait. Ah, exactement, messieurs. Et je suis sûr qu'il y en a un de nous trois qui l'a jamais fait de toute sa vie. Et qu'il le fera peut-être même jamais dans toute sa vie. Ça me stresse. C'est juste après. No, you think that I am over you. But I have just better things to do than crying over you. I really got to move. But with the love that I keep around, I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be tonight we won't Renaud sur Énergie, c'est Goodbye qu'on écoute dans un instant, 6h37. Voici les sondages du mardi. Ah bélé, bélé, bélé, bélé, bélé. Au boulot, ça arrive à 28% des gens au moins une fois par jour. C'est énorme quand même. Alors, ah, vrai, vraiment, ouais. 28%, j'étais assez étonné. Oh, oui, moi Jérém. Faire des trucs perso Non, c'est pas ça. Bien pensé, mais. Ouais, non, c'est pas ça. Au boulot, ça arrive à 28% des gens au moins une fois par jour, à votre avis. Piquer un truc à ses collègues. Non, c'est pas ça. Bah, toi, on te pique souvent des bics, apparemment. Ah, on m'a vidé mon tiroir à bics. Ah, oui, non, je suis furieux. Si je trouve le coupable, je lui fais bouffer un par un. Pendaison. Tiffany du standard. Demander une augmentation ? Oh, seulement 28%. Est-ce que c'est réfléchir à quelque chose ? Non, c'est pas ça. Faire une micro-sieste ? Non plus. Au boulot, ça arrive à 28% des gens au moins une fois par jour fantasmer sur un collègue. Oh. Ah bon ? Allez. Voilà, voilà. Oh, c'est pas sur Énergie alors. Ah bah, chez nous, non. Ah, risque pas, non. On déconne, il y a des très jolies filles. Ah non, moi je déconne pas, je. Vraiment. Mais oui. Risque pas d'arriver ici. Mais non, mais c'est vrai, 28%, je suis étonné quand même, c'est beaucoup. Au moins une fois par jour ou fantasmer sur une collègue, waouh. Ouais, c'est dans chaud, les deux sens, hein, fille ou garçon, hein. Ben voilà, c'est pas le cas chez nous. 76% des gens en couple préfèrent le faire seul, à votre avis. Le shopping. Le shopping, non, c'est pas ça. Bien essayé, mais non. 76% des gens en couple préfèrent le faire seul, Jérém. Ranger ou faire le ménage. Non, pas du tout. Conduire. Conduire. Oui. Conduire. Non, non. C'est vrai que oui, ça aurait pu être ça. Oh oui, mais non. Y a faire rien à manger, ouais. Faire à manger, non, c'est pas ça, Tiffany. Jérém. Non, il n'y a rien de plus énervant quand tu conduis et que t'as quelqu'un qui dit attention là, attention là. Oui, bah alors, avec ma femme, c'est pire. C'est elle qui conduit et toi qui es là. Il y a des airbags dans ta voiture, oui. Elle marche bien la ceinture, oui. Je peux m'accrocher, oui. Je peux descendre. 76% des gens en couple préfèrent le faire seul. Vous allez halluciner, vraiment, c'est un truc de dingue. Regardez un film ? Non, ouais. C'est un truc, tu comprends même pas pourquoi tu le fais seul quand t'es en couple. Quel est l'intérêt ? Aller se balader. Aller au restaurant. Non, dormir. Faire l'amour. Dormir. 76% des gens en couple préfèrent dormir seul. N'importe quoi, ton truc. Bah écoute, voilà. Bah, des sondages, c'est pas lui qui les a fait. Non mais j'avoue que quand ma copine n'est pas là, c'est quand même chouette de prendre toute la place au milieu et de s'écarter comme peur. Ça. C'est quand même chouette d'en prendre une autre. Ah, bah, alors tu dors pas seul. Ma femme, personnellement, aimerait dormir seule. Alors on peut plus que je ronfle. Oui, voilà. À chaque fois, elle me réveille. Mais des gouttes. Tu sais, genre les gouttes vont résoudre le problème. Ah, j'ai compris, tu me dégoûtes. Non, tu me dégoûtes. Ah non, c'est hallucinant. 76% des gens en couple préfèrent dormir seul. Waouh, je comprends pas. Bref, un homme belge sur trois ne l'a jamais fait dans sa vie, donc peut-être que l'un d'entre nous l'a jamais fait, c'est même quasi certain. À votre avis, c'est quoi ? Une déclaration d'amour. Non, c'est pas une déclaration d'amour. Ah, je sais. Tiffany du standard. Le ménage. On n'est pas très très loin en soi. Jérém. J'allais dire mesurer sa clinge, mais comme elle a dit le ménage. Un homme belge sur trois ne l'a jamais fait dans sa vie, à votre avis. On n'est pas loin avec le ménage, vraiment. Je sais pas. C'est en soi, c'est du ménage, mais je dirais que c'est une pièce en particulier. Ah, bah ouais, la salle de bain. Laver sa clinche ? Non. Oh non. C'est dégueulasse. Un homme belge sur trois ne l'a jamais fait dans sa vie. C'est dans la salle de bain ? C'est pas dans la salle de bain. La buanderie. C'est pas ça, mon ami, presque. Non. Les toilettes. C'est pas la lessive. Nettoyer les toilettes. Un homme belge sur trois ne l'a jamais fait dans sa vie, nettoyer les toilettes. Enfin, il existe des. Qui a déjà nettoyé les toilettes ici dans le. Moi ? Oui, bah, oui, forcément, Jérém, le maniaque. Maniaque dépressif. Arrêtez, je passe pour le mec, le péteux du BOE, maniaque dépressif. Et radin, on avait oublié. On a tous nos petits problèmes, hein. Moi je passe pour le gros lard de Charleroi. Chacun son truc. Chacun son truc. Voilà. Toi, t'as déjà nettoyé la toilette ? Évidemment, oui. Évidemment. Eh ben, ça fait 3 hommes sur 3 qui l'ont déjà fait. Eh ouais, on est différents. On est différents, aïeul. Enfin, je sais pas si on rentre vraiment dans la catégorie des hommes au final. Oui, c'est vrai. C'est vrai. À analyser. 6h41, voici Jason Derulo sur Énergie. I'm down for your loving, down for my fuzzy fuzzy, down for your loving, down for my naughty naughty. danser. Oui, oui, oui. Mardi 23 octobre. On va construire ce mardi tous ensemble. On démarre la journée avec Slimane Vita dans un instant. Et alors, elle pourrait être pas mal cette journée si vous repartez avec l'iPhone XR, je vous le dis. Vous gagnez l'iPhone XR avant tout le monde grâce à Énergie. J'adore ce que notre voix off Richard dit 10R. Il connaît pas X lui. Quand il a lu le truc, il a dit X, XR, on fout quoi. Et 10 quoi. Ouais, bah oui, en soi, c'est le dixième, hein. C'est le petit nouveau d'iPhone. L'iPhone XR, c'est Énergie et Orange qui vous offre ça. Il est pépitas. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dessus, notamment un tout nouvel écran liquide Retina. C'est l'écran LCD le mieux, le top du top en ce moment, le plus avancé du marché. Ouais, voilà. Donc cherchez pas ailleurs. C'est Apple qui est le meilleur. L'iPhone XR a gagné, vous envoyez Phone par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. Phone au 6018. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a aussi le Face ID, ça fait longtemps. Enfin, moi je suis au 7, donc forcément je l'ai jamais eu. Ouais. Tu l'as toi déjà sur non, le tien? Non, Face moi, ID. Moi j'ai le 8 et je l'ai toujours pas. Ça doit être génial le dimanche matin quand t'es pas bien réveillé, que ton téléphone ouais. Il dit je ne te reconnais pas. C'est ouais. Drôle. Maquille-toi. Ouais, c'est ça. Trop moche pour être déverrouillé. Vous gagnez l'iPhone XR ce matin, on vous appelle à 9h, on vous l'offre pour chez vous, il faut vous inscrire avant. Allez-y maintenant, vous foncez, vous prenez votre GSM, ça va très vite, hein. Un petit SMS. Faites-le parce que vous pouvez en regretter en plus après ouais. De pas l'avoir fait en vous disant ah si j'avais su. Phone par SMS au 6018, bonne chance. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Énergie. It's music only. Vous avez un garage? Dans ce cas, il est probablement rempli de vieux objets inutiles. Une roue de vélo tordue, une poussette hors d'usage ou une balle de tennis déchirée. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que jusqu'au 31 octobre inclus lors des German Days Opel, à l'achat de votre nouvel Opel Corsa ou Astra, vous recevez une prime de reprise de 2 500 € pour tout ce qui roule. Une fois que vous serez débarrassé de tous ces objets inutiles, vous pourrez facilement garer dans votre garage votre nouvelle voiture allemande de très grande classe. Rendez-vous vite dans votre showroom Opel. Baze présente les aventures de Data Doggy Bagman. Baze offre jusqu'à 24 gigas en plus pour tout nouvel abonnement. Et s'ils ne sont pas consommés, ils seront abandonnés à la fin du mois. Pas de soucis, moi Data Doggy Bagman, j'emmène tous les datas au mois suivant. Mais comment fait-il pour être aussi fort? Ah, ça c'est mon secret. Oh, il est fort et mystérieux. Avec les abonnements de Baze, j'emmène vos restes de data au mois suivant. En plus, en ce moment chez Baze, je fais fort jusqu'à 24 gigas en plus pour tout nouvel abonnement. Conditions sur baze.be. Baze. Tiens, les jours Fnac, c'est quoi? Ben, ce sont des journées avec des réductions allant jusqu'à 30% dans tous les rayons Fnac. 30%? 30%. Fnac. Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. Ah, c'est sympa d'inviter ton vieux père à dîner. Ben ouais. Je vois que t'aimes les bonnes choses authentiques, comme moi, du pain cuit sur pierre. Ah ouais, pas. Une bonne trappiste. Ta préférée. Mais alors pourquoi tout gâcher avec ce truc-là, fiston? C'est du fromage, ça? Ben pas, c'est. Enfin, c'est pas du herbe. Oh, ça m'énerve quand y a pas de herbe. Tiens, regarde. Je t'ai apporté un fromage digne de ce nom. Du herbe société. Pour une bonne table comme la tienne, c'est incontournable. Le fromage de herbe. Carrément incontournable.

Nous allons faire un round de 20 secondes. Et en 20 secondes, il faut en ping-pong, comme ça. C'est qui dit mieux par rapport à des thèmes. Qui va venir jouer avec nous ce matin? C'est Olivier qui travaille comme responsable de catering. Il est marié et a deux enfants, Juan et Monet. Juan. Et alors, il aime beaucoup le tennis qu'il pratique depuis 5 ans. Oula, c'est un copain à toi, Jérémy. Ouais. Ouais, c'est pour toi, ça. Ouais, salut, Oli. Ok. Ça va, Jérémy? Ah, salut. Tu vas bien? Oui. On va vous t'entendre et vous entendre à tous, les gars. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes en forme. Hein. Je sais qu'on est mardi. Bah, évidemment qu'on est en forme. On est en forme tous les jours. Comme tous les jours. C'était pas terrible. Hein. Ah bah, merci, Olivier. Pourtant, je peux te dire que. Oh, j'ai une pêche, les gars. Oui. Olivier, on va jouer au Kidimi avec toi ce matin. Et ben, tu sais quoi? Premier round, tu vas le faire avec Jérém. Les deux amis du tennis vont jouer ensemble. Mm-hmm. Les deux amis de la balle jaune. Mm-hmm. Vous allez vous affronter et vous allez donc donner chacun à tour de rôle. Et c'est toi, Olivier, qui démarre, du coup, forcément. Hein, honneur à notre candidat. 20 yes. secondes. Merci Marco, tu es très aimable. Avec plaisir. Olivier, 20 secondes. Heureusement que t'as pas dit parce que j'étais plus vieux. Hein. Je ne serais pas permis, je te rassure. On va jouer avec la première famille et vous faites en ping-pong. Donc Olivier dit, puis Jérém, puis Olivier, puis en ping-pong. Et c'est celui qui, au bout des 20 secondes, n'a plus rien, perd le point. Ou sur le gang. Okay. Ou sur le gang. Je suis pas très fort. Par contre, au tennis, oui. On peut faire une partie de tennis si tu veux. C'est de l'échange. Quand tu veux. C'est de l'échange. Avec grand plaisir. J'ai une nouvelle raquette, fais gaffe. ce qu'on peut faire en voiture, c'est parti. Manger. Aller dans son nez. Changer de vitesse. Prendre l'air en ouvrant les fenêtres. On peut boire dans la voiture. Ouais. On peut chercher quelque chose dans le GPS. On peut envoyer des SMS. Oh non, il m'a eu. Il t'a eu sur le gong, ça fait un point pour Olivier. Et là, tu crois que tu vas lui faire à l'envers ou quoi? Alors, Olivier, juste un truc, manger dans la voiture. Ouais, pas dans la mienne, hein, je te le dis tout de suite. C'est le Frisco, par contre, parce que je suis sûr que c'est le Frisco, elle doit être pleine de... Mais c'est même pas vrai! Je te jure que la dernière fois, il y avait des paquets d'M&M's Spa! Non! Des bouteilles d'eau peut-être, mais pas de. J'imagine quand il va au fast-food. Il y a toujours un petit sandwich triangle sous le siège, tu sais, c'est comme l'extincteur, c'est un truc de sécurité. En cas d'accident, il a son sandwich triangle à disposition. C'est parce que je peux pas vous insulter en direct à la radio. Hein. Et c'est pas l'envie qui t'en manque. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, tiens, Frisco Olivier, vous vous affrontez. Si Olivier gagne le point, et ben c'est gagné pour toi ce matin, Olivier. Vous allez faire cette fois-ci dans la famille de où est-ce qu'on peut aller avec des amis. Olivier démarre et puis Frisco est en ping-pong. Okay. Dans un parc d'attractions. Au restaurant. Au cinéma. À la mer. Faire du sport. Aller voir un match de foot. Aller dans une piscine. Pourquoi pas. Aller faire du vélo. Aller faire une randonnée en montagne. Oh, il t'a eu sur le gong. Ouais. Pom, pom, pom, pom, pom. Olivier, notre gagnant ce matin. Tu les as bien eus là, je dois le dire, franchement, bravo Olivier. Merci Marco. Avec plaisir, on t'offre du cadeau, on te laisse choisir. T'as le choix entre l'enceinte Bluetooth, 4 places de ciné ou alors la dernière compil énergie. On me regarde, on me dit non, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il n'y a plus de place de ciné, c'est ça? Voilà. Vous nous avez dévalisé. Eh ben, enceinte Bluetooth. Ce que je veux surtout pas, c'est les palladiums de Tiffany. Bam! T'as mis tes palladiums aujourd'hui? Non, j'ai mis mes petites baskets. Il n'y a pas de palladium, hein, c'est bon. On peut te les envoyer. On a les moufettes, si tu veux, à la maison. À les acheter. Donc, on les récupère, on te les envoie. L'enceinte Bluetooth. Eh ben, on t'offre ça, moi, Olivier. On te souhaite une belle journée. À bientôt. Ok, merci beaucoup à tous. Merci, Fifou. Gros bisous. Bisous. Quand tu veux. Ok, avec plaisir. Wish I wasn't one of your exes. No, I'm the fool. Since you've been gone, been dancing on my own. This boy's up in my zone, but they can't turn me on. 'Cause baby, you're the only one I'm coming for. I can't take no more, no more, no more. I wanna fool. But I got nobody here on my own. I wanna fool, but I'm brokenhearted. so long. Confortablement installé pour regarder la télé. Mais au moment de sauver la chaudière, l'atmosphère était devenue chaudière. Un problème de chaudière peut gâcher vos bons moments. Pour vous garder au chaud cet hiver, Luminus installe votre nouvelle chaudière. Calculez votre devis sur luminus.be/chaleur. Sur Énergie, soyez les bienvenus. Énergie. Notre nouvelle lasagne, élue par vous la meilleure de Belgique. Quoi de mieux que comme et à casa, à part la nouvelle lasagne bolognaise à casa. 7h sur Énergie, on s'informe. Avant ça, un petit point sur la météo pour aujourd'hui. C'est avec Aurélie. Le temps sera généralement sec aujourd'hui. On aura des nuages, des éclaircies, des températures entre 9 et 13 degrés. 7h, voici un point sur l'actu de ce mardi 23 octobre. Aurélie Adam, bonjour. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les écoles belges ne sont pas égales face au numérique. En Flandre, les écoles disposent d'un PC, d'un portable ou d'une tablette pour 3 élèves en moyenne. En Wallonie, c'est un appareil pour 9 élèves, 11 à Bruxelles. Fait encourageant tout de même, le parc informatique des écoles francophones a progressé de 38% entre 2013 et 2017. Le tribunal civil de Liège se penche à nouveau sur la fusillade de Liège, une fusillade survenue en 2011 sur la place Saint-Lambert. Le tribunal doit rendre sa décision sur la responsabilité de l'État belge. En sport, en football, on joue la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions ce soir. Athènes affronte le Bayern, ça sera à 18h55. À 21h, l'Ajax fait face au Benfica. Manchester United joue face à la Juventus. Et puis on a aussi Rome, CSKA, Moscou ou encore Shakhtar, Manchester City. Comme chaque jour, 7h01, bonjour. Bonjour. Les fifous du matin sont là, il y a Jérém. Bonjour. Il y a Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Il y a Tiffany. Hello tout le monde. Il y a Aurélie de la Redac. Bonjour. Il y a Thomas, notre stagiaire. Bonjour. Qui nous a fait un super chanté parle tout à l'heure. Ah, écoutez évidemment, podcast en replay, ça sera sur énergie.be. On vous met tous les meilleurs moments de l'émission en podcast replay tous les jours. Ouais. Voilà, comme ça vous pouvez réécouter pour ceux qui n'ont peut-être pas l'occasion de se lever trop tôt le matin. Voilà. Et ben voilà, vous pouvez en profiter. Jonas Blue qui va arriver dans un instant. Et puis restez avec nous puisque ce matin on est on fire. On va faire un défi dans quelques instants. C'est à l'occasion de la sortie du film Casse-Noisette, les quatre royaumes avec énergie. On va faire un défi ce matin parce qu'un royaume c'est la sucrerie, ouais. Un royaume de la confiserie. D'ailleurs, il serait notre royaume, mon frisco, je te le dis. Ah, mort. Est-ce qu'on serait bien là-dedans dans les points de sucre ? Mais moi, je reste coincé là-dedans. Hein. Je peux te dire, je pars pas. Laissez-moi. Mais non, tu dois être dans d'autres royaumes. Non, laissez-moi ici, s'il vous plaît, laissez-moi. Eh ben, on va dans un instant faire un défi de la sucrerie. Tiffany nous a préparé un quiz sucré. Oh oui. Sauf que les bonbons qu'on a avec nous ce matin, vous avez de la chance. Soit c'est goût citron, soit c'est goût vomi. Voilà. Bonne chance à vous. Ça sera dans un petit instant. Ah ça, moi je suis pas prêt là, je vous le dis. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. Bienvenue, voici Martin Garrix dans un instant. Et ce matin, mais maintenant, on va être en live Facebook, les fifous, puisque nous allons faire un défi. C'est l'heure du défi casse-noisette. Où suis-je ? Où suis-je ? Vous êtes dans les quatre royaumes, princesse Clara. Casse-noisette et les quatre royaumes, au ciné avec énergie. Eh oui, ça sort au cinéma à partir de ce 31 octobre pour Halloween, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. J'ai vu la bande-annonce, on vous l'a mis d'ailleurs hein, sur le groupe. Les Fifous sur Énergie, magnifique, ça a l'air terrible ce film. Vraiment, ils ont mis les petits plats dans les grands encore chez Disney. Et à cette occasion, nous allons faire un défi chaque jour pour vous offrir en fait vos places pour aller voir le film au cinéma. Oh là là. Nous allons faire un défi en rapport avec les quatre royaumes, à savoir qu'il y a un royaume de neige, un royaume de fleurs, un royaume de sucreries et le royaume du cirque. J'adore ce que Frisco, il est pas bien. Et ce matin, nous allons aller dans le royaume des sucreries. J'ai ici devant moi la boîte de ces fameux bonbons. Voilà, autant j'attends la bouffe, autant cela. je montre au live Facebook, hein, vous pouvez venir nous voir, c'est sur Énergie Belgique. On partage ça aussi dans les fifous du 6-9 sur Énergie. Alors, il y a quoi comme goût bonbon ? Il y a notamment chaussettes puantes. Oh. Mais le même, donc c'est la même couleur, mais à chaque fois, il y a deux goûts différents. Ah. C'est pour ça, c'est ça qui va être drôle. L'autre, c'est tutti frutti. Ça va ? Ouais, c'est bien. Tutti frutti. Ouais, ouais. Après, il y a citron. Ah oui, cool. Ou alors gazon tendu. Il y a œufs pourris. Il y a dentifrice. Il y a nourriture pour chien. Oh non, ça me dit. Il y a vomi. Il y a crotte de nez. Et il y a alors celui-là, je vous le dis tout de suite, je vais pas être bien si je tombe dessus, c'est lingette de bébé. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'un bonbon peut avoir comme goût, lingette de bébé. Oui, et le mec qui a goûté pour refaire le bonbon, lingette affreux, de bébé. Affreux. Pour ouais, ce... des testeurs, c'est vrai. Pour ce faire, c'est Tiffany qui nous a préparé le quiz de la sucrerie. Mais ah ouais. Attention, la règle ce matin, ce n'est pas celui qui perd qui mange. Celui qui perd élimine toute l'équipe. Et toute l'équipe doit manger un bonbon. Au hasard, on ne sait pas ce que c'est. Ah, au hasard, non, c'est forcément, tu auras le choix. Si tu prends un verre, par exemple, ça sera chaud. Citron ou gazon tondu. Mais il y a une, une chance sur deux. Oui, non, mais on prend au pif, hein, on va pas se prendre la tête. D'accord. Tiffany, j'espère que tu as fait des questions simples. Donc c'est chacun son tour là, la première question c'est pour toi. C'est chacun son tour et non commence, tu fais le malin. Ouais. Alors, non, je ne faisais pas le malin. En 2012, les dépenses des Français en bonbons et sucreries ont atteint, première proposition, 728 millions d'euros dont 187 millions en chewing-gum. Qu'est-ce que j'en sais moi? Arrête, que, tu veux nous faire manger bonbons, des bonbons en fait. 1,054 milliards d'euros dont 361 millions en chewing-gum. 1,346 milliards d'euros, dont 357 millions en chewing-gum. A, B ou C? Alors, ah bah, au pif, A, mais j'en sais rien, moi. Mais... Oh non, pu faire un effort. Mais attends, on va faire un effort, excuse-moi. Mais attends, mais ce qu'elle sait pas, là, l'autre madame, oh là, non. C'est que tout le monde va... Toi allez, aussi, tiens. Tu manges, hein. Don, on va commencer d'ailleurs par toi. Allez, non. Allez, prends-en. Au pif. Réfléchis pas, c'est dans ces moments-là, faut pas réfléchir. Hop, j'en prends un aussi. Allez. Oh non. Alors, je vous le dis, on a une chance sur deux. Soit c'est bon, soit c'est dégueu. Oh là là. T'as quelle couleur? Toi aussi, t'as le bleu. Le bon. Alors, tout le monde a pris un bleu. Le bleu, je vous annonce. Non, moi j'ai un brun. Le bleu, c'est soit dentifrice, soit baie d'azur. Et le brun, c'est quoi? Le brun, c'est soit caca pour chien, soit pudding au chocolat. Tout le monde en a un? Et Aurélie Doré. Genre t'allais oublier ça toi. Vous voulez que je vomisse ou quoi? Bah oui, c'est allez. Exactement ce qu'on veut. T'as pris quelle couleur Auré? Bleu. Bleu, bah c'est comme nous, soit dentifrice, soit bleu d'azur. Attention, 1, 2, 3. On faut mordre hein. On mange. C'est dentifrice moi. C'est vrai. Moi ça va, c'est moi, bon. Ça va, ouais. Moi ça va. Laisse tomber, moi ça a un goût de crotte, je sais pas quoi. J'ai mordu dedans, ça me dégoûte. Il y a Marco qui est pas bien. Je vous jure, ça c'est le truc qu'il faut pas me faire faire. Allez, on enchaîne. Alors, la gomme arabique est une résine d'acacia originaire d'Afrique, d'Asie et d'Australie qui entre dans la composition des gélifiés. La plus limpide provient de... Mais t'es sérieux? Mais t'es elle est folle. T'as un cours de chimie l'autre. La ville d'Alep en Syrie, B, l'état australien de la Tasmanie, ou C, la province de Kordofan au Soudan. Ouais, c'est... C'est vrai, c'est Kordofan. C'est ça? Bim, c'est bon! Ouais! Ah, quand il s'agit de bouffer mon pâte des trucs dégueux, moi je suis là, tu sais, je sors la culture. Bon, troisième question pour Frisco. Quelle confiserie inventée par un pharmacien anglais se présente en rouleau, en pastille ou encore en bâton? Moi je sais, je la réponse. Non, c'est pas pour toi. C'est pour toi. Frisco, fais pas le fou. Je donne les propositions ou pas? Vas-y. A, réglisse. B, gélifié. Ou C, caramel? Caramel. Mais t'es bête comme quoi? Sérieusement? Mais quoi? Mais c'était la réglisse, un bâton de réglisse. Tout le monde reprend un bonbon, c'est le petit dernier. Caramel, arrêtez de m'engueuler, j'en peux rien moi. Le petit dernier à l'occasion de la sortie du film Casse-Noisette et les 4 royaumes avec énergie. On peut pas prendre de bleu. Hein. Pas deux fois le même, non. Et alors, nous avons fait ce matin le défi de la sucrerie. Oh. Et vous allez pouvoir gagner vos places, il suffit tout simplement de venir commenter la vidéo sur Facebook. Et je ferme les yeux comme ça. Oh non. T'as pris quoi comme couleur? Non, j'ai pris le blanc, c'est lingette pour bébé ou coconuts. Un blanc jaune? Non, le blanc jaune, ça va, ça. Toi, c'est soit œuf pourri. Oh non! Et le vert, c'est quoi le vert? Le vert, ça peut être gazon maudit. Gazon tondu ou citron. Et toi? Ah, ça sent pas le citron. Bleu. Ça sent pas le citron non plus. 1, 2, 3 3! C'est affreux. C'est dégueulasse. Oh, Marco, c'est dégueulasse. Mais qui s'est réveillé un matin, s'est dit tiens, je vais inventer des bonbons lingette pour bébé. Oh là là, lingette pour bébé. Ça me dégoûte. Moi, ça a le goût d'herbe. Ça a le goût de l'herbe, toi? Oui, c'est dégueulasse. Oh non, pas sur ta feuille. Je vais vomir, je vous jure, je suis pas bien. Ah bah écoute, on voit la suite alors. On vous offre vos places pour aller voir le film Casse-Noisette et les 4 royaumes. Il suffit de commenter la vidéo. Maintenant, vous mettez un petit commentaire dans la vidéo. Vous lisez écrit dans le chapeau. Et on vous offre vos places pour aller voir donc Casse-Noisette et les 4 royaumes au cinéma avec Énergie. Découvre le mystère caché derrière la légende. Casse-Noisette et les 4 royaumes, le 31 octobre au cinéma. De l'iPhone pour vous. Vous gagnez l'iPhone XR avant tout le monde grâce à Énergie. Très simple, l'iPhone XR offert par Énergie et Orange. Vous allez l'avoir avant tout le monde puisque Orange va venir vendredi à l'occasion de l'émission en public là, avec l'Audio Caprio qui sera notre invité. Ils vont venir vous apporter les GSM, comme ça vous repartirez avec vendredi déjà. Vendredi midi, même pas à 9h. Ouais. Vous avez votre iPhone XR. Voilà. C'est trop bien, avant tout le monde. C'est vraiment de la balle. Il sort vendredi, mais vous l'aurez vraiment avant la sortie dans les magasins. Ce qui est génial. Puis alors, la rupture de stock, ça va aller très très vite. Donc, comment vous êtes garanti de l'avoir ce vendredi? Vous envoyez pour ça phone par SMS au 6018. Le mot code phone au 78, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Et peut-être à vous, l'iPhone XR. D'ici 9h, puisqu'on offre un iPhone XR tous les jours, hein, les copains. Donc, ouais. On en a un pour aujourd'hui, on en a un pour demain, on en a un pour après-demain, tout ça. Ouais. Phone par SMS au 78 pour vous inscrire. Je vous souhaite bonne chance. C'est Aya Nakamura qui va arriver dans un instant. Côté hit. SMS au 78 pour vous inscrire. Je vous souhaite bonne chance. Et on revient juste après Aya Nakamura sur Énergie. Il y a le jeu du bouton qui arrive. Avec Jerem. Ouais. Rem. C'est le 6-9. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ! Les nommés sont... Votez maintenant pour vos artistes préférés sur energy.be. Les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1. Energy, hit music only. Si la Terre se réchauffe encore, la banquise pourrait fondre. Quoi ? Et alors les pingouins viendront vivre chez nous ? Heureusement, nous n'en arriverons pas là. En choisissant l'énergie verte du soleil et du vent, nous construisons avec Eneco un plus bel avenir.

sur Énergie, vous nous avez choisi ce matin. Très bon choix, choix de première classe, je dois le dire. Non, vraiment. Ed Sheeran qui va arriver dans un petit instant. Il y a le jeu du bottin avec Jerem qui va arriver un petit peu plus tard dans l'émission à 7h35. Restez branchés. C'est bientôt, là. C'est très très vite. Avant ça, je voudrais vous faire écouter un truc extraordinaire. On a déjà parlé des transports ici dans l'émission. On a déjà parlé de l'avion. Hein. Ouais. On sait qu'Aurélie a très très peur de l'avion. Elle n'aime pas l'avion. Oui. Bon, voilà. Je prends des petits cachets, ça va mieux. Et ben pour tous ceux qui aiment, qui n'aiment pas l'avion, écoutez ce message d'une hôtesse de l'air. J'adore. Je rêve de pouvoir un jour prendre l'avion avec une hôtesse de l'air comme ça. Écoutez. Monsieur, avec C'est génial. Maintenant, on fait une Ola, on commence sur la droite. Allez, c'est voilà. Génial. Et puis, c'est quoi qu'elle dit votre téléphone, je suis grande, je vous vois. Oui, je vous vois. Pas la peine de vous cacher en dessous des sièges, je vous vois. En gros, c'est quand on demande d'utiliser son téléphone après l'extinction du signal. Sauf qu'il y en a plein de gens qui téléphonent déjà maintenant, enfin, déjà pendant génial, que. Génial, quoi. Ah ouais, et j'adore surtout, n'oubliez aucun objet personnel. Hein, femme, belle-mère, j'ai déjà donné. Merci beaucoup. C'est génialissime. C'est énorme. On va parler de l'avion ce matin. Parce que l'avion, ça fait lever les yeux. Ouais. Et le reste, on ne le fera pas. On va parler du j'aime pas en avion. Tiffany du Standard, un j'aime et un j'aime pas en avion. Ben moi, j'ai pris l'avion pour la première fois au mois de juillet et j'avais très peur, mais j'ai bien aimé le décollage la deuxième fois. Mais par contre, l'atterrissage, ça, je déteste. Parce que tu as l'impression qu'il ne va jamais s'arrêter. Ouais, ça me fait flipper l'atterrissage. Ah, c'est les deux moments les plus dangereux en avion. Ouais. Décollage, atterrissage. Je savais pas. Apparemment, elle ne savait pas. Vu sa tête, elle ne savait pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le seul moment où le mec pilote vraiment. Donc... Et on embrasse tous ceux qui sont en direction de l'aéroport. Qui vont prendre l'avion ce matin. J'aime pas en avion, Aurélie de la Rédac. Ouais, moi, j'aime bien le fait qu'on est vite en vacances, tu vois. Ah, ça, c'est top. Et quelques heures, allez, deux heures où je me serre les fesses, tu vois. 2 heures, c'est rien dans une vie. Et je suis loin, je suis au soleil. Ouais, c'est vrai. Et le j'aime pas? Pourquoi il n'y a pas de parachute? Pourquoi on te donne un gilet de sauvetage qu'il faut gonfler quand tu survoles que la Terre? Ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi il n'y a pas de... Ouais. Parce que ça n'aurait aucune utilité. Mais évidemment, tu crois quoi, mais pas du tout, les gars. À cette altitude-là, un parachute, il a aucun intérêt. Et plus de la moitié des gens seraient incapables de sauter en parachute. Mais attends, il y a un réacteur qui ne va plus, tu sautes, tu ne réfléchis pas. Hein. Tu tires sur la ficelle. Tu ne dis pas, je vais attendre d'être dans l'eau pour mettre mon... Et si tu as le malheur d'être à côté de Frisco dans l'avion, le mec il te pique les deux parachutes. Pour être sûr d'atterrir. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. With the shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Of you. On s'en lassera jamais de Ed Sheeran, je vous le dis. Très bon morceau d'Ed Sheeran. George Ezra dans un instant, 7h27 sur Énergie. Le jeu du bottin à suivre avec Jerem. Rem. On a qui ce matin dans le jeu du bottin? Alors, que je regarde, je crois que j'ai... Ah, Madame Gaulle, vous pensez qu'elle existe? Qu'elle existe? J'en peux plus. C'est dans un instant le jeu du beau temps avec Jérémy qui va arriver. Et puis ce matin, on parle avec vous. L'avion, j'aime pas. Vous nous donnez un j'aime et un j'aime pas de l'avion. Vous nous dites ça 30-18 par SMS ou alors vous appelez Tiffany, c'est gratuit au standard. 0800-23456, elle vous attend de pied ferme. De pied de grue. De pied de chaudronnière. 0800-23456 pour l'appeler, c'est gratuit. J'aime pas en avion, vous nous dites. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you. Now I'm see through. You give me a feeling, feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me. La grande poupée princesse Disney est à 19,95€. Qui a dit que les princesses étaient inaccessibles? Des prix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Un de vos moments préférés qui arrive sur Energy, c'est le jeu du beau temps après l'actu. Et là, on fait un point sur la météo pour aujourd'hui. Le temps sera généralement sec aujourd'hui. On aura des nuages, mais aussi des éclaircies, des températures entre 9 et 13 ou 14 degrés. Pour nous informer à 7h30, c'est Aurélie Adam qu'on retrouve en point sur l'actu de ce mardi 23 octobre. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Malgré les efforts, les classes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont toujours moins bien équipées en matériel informatique qu'en Flandre. En Flandre, où les écoles disposent d'un PC, d'un portable ou encore d'une tablette pour 3 élèves en moyenne. En Wallonie, c'est un appareil pour 9 élèves. On compte un appareil pour 11 élèves à Bruxelles. Bonne nouvelle quand même, des efforts sont réalisés. Le parc informatique et des écoles francophones a progressé de 38% entre 2013 et 2017. Alors concernant les tableaux interactifs, 93% des écoles primaires flamandes sont équipées. On en compte seulement 45% en Wallonie, 40% à Bruxelles. Rappelons que le pacte d'excellence prévoit de développer le numérique dans l'enseignement. Le tribunal civil de Liège reprend le dossier de la fusillade de Liège. Il doit se prononcer sur la responsabilité de l'État. Nordin Amrani, l'auteur des faits, n'avait pas respecté sa libération conditionnelle. Il aurait dû retourner en prison. Amrani s'était rendu armé sur la place Saint-Lambert le 13 décembre 2011. Une fusillade qui avait fait 5 morts et 130 blessés. On termine avec du sport et du football. On joue ce soir à la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Athènes affronte le Bayern à 18h55. L'Ajax fait face au Benfica à 21h. Au même moment, Manchester United joue face à la Juventus. Autre match, Rome, CSKA Moscou et Shakhtar Manchester City. Ah bah là, pour tous les couples, c'est une semaine brisée. Hein, avec tous les masques, tous les matchs qu'il y a, il n'y a que des affiches de dingue. Ah mais laisse tomber, ce soir, je suis en mode avion. L'info énergie. Off. l'info énergie à 7h30. On parle de quoi ce matin, Aurélie? Un anniversaire. Ah, we sing happy birthday. We sing happy birthday to you. Mais il est pour qui? Ah ben si je vous dis qu'ils ont 60 ans aujourd'hui. Mais pas Tic et Tac. Non. Mickey Mini. J'ai entendu. Non. Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Oh, ils sont nés un 23 octobre. Enfin, ils ont fait leur première apparition en tant que personnage principal. Ils sont nés un 23 août. Mais c'est pas son anniversaire alors. Ils sont nés donc de la main du dessinateur Peyot, oui. Aha. Et aujourd'hui, ces petits bonshommes bleus sont mondialement connus. J'ai quelques anecdotes à propos des Schtroumpfs. Au départ, les Schtroumpfs, en fait, c'était des personnages secondaires. Ils ont été créés pour un épisode de la bande dessinée Johan et Pierre-Louis. Ah, ok. Ah. Excellent. C'était quoi ça? Johan et Pierre-Louis, c'était deux petits garçons qui vivaient plus ou moins au Moyen-Âge, comme ça. Ah oui, ah, mais je dans la pas. Lignée des Schtroumpfs. Est-ce que vous savez d'où vient le nom Schtroumpf? Non. Non. Un Schtroumpf? Non, c'est non. Quand quelqu'un éternue, ça fait Schtroumpf. Schtroumpf. Non, en fait, ça vient d'un trou de mémoire. Peyot était parti en vacances avec Franquin, un autre auteur de bande dessinée. Ah oui, qui a fait Franklin. Non, pas du tout. Et il a voulu demander à un moment la salière. Et il retombait plus sur le mot salière. Il fait donne-moi le schtroumpf là. Et c'est devenu le schtroumpf. Excellent. Et c'est pour ça que eux, dans leur truc, ils oublient plein de mots. Voilà, ils remplacent tous les mots par schtroumpf. Voilà. Ah. Ça vient du trou de mémoire. Alors, savez-vous comment ils sont devenus mondialement connus, les schtroumpfs? Avec les bonbons. Parce qu'ils étaient bleus. Non. C'est pas avec le film non grâce plus. Grâce à Avatar. Non, en fait, à la base, les Schtroumpfs ont été proposés en tant que figurines en plastique dans des boîtes de cornflakes. Excellent. Et ça a fait le tour du monde. Oui, parce qu'il y a un petit qui s'est étouffé avec. Non, pas du tout. Ensuite, il y a eu une peluche. Il y a un gars, il s'est dit, oh, je vais faire des peluches aux États-Unis. La peluche, elle est arrivée entre les mains de la fille du patron d'NBC. D'accord. Qui est quand même une grosse chaîne. Et lui, il a vu que sa fille adorait sa peluche, donc il a fini par diffuser le dessin animé qui a quand même fait 40% d'audience, 40% de part de marché à un moment, soit plus que Dallas. Ah bon, wow. Quand même. La série c'est Dallas. Vrai. Ouais. Et enfin, bon, je vais terminer quand même. Hein. Savez-vous combien il y a de Schtroumpfs? 32. Non. 101. Il y en a plus de 100. On en connaît 101. Une bonne dizaine. Mais on va tester vos connaissances. Vas-y. Donnez 5 noms de Schtroumpf. Schtroumpf grincheux. Non, ça c'est. Non, c'est le grand Schtroumpf. La Schtroumpfette. Professeur. La Schtroumpfette. Le Schtroumpf à lunettes. Ah, coquet, Schtroumpf coquet. Ouais, non, pas professeur. C'était à lunettes. Le Schtroumpf à lunettes. Ouais, non, mais il y avait le grand Schtroumpf. Oui, mais ça c'est le chef. C'est le petit chef là. Bah ouais, bah voilà. Ouais. Ben voilà. Et ben merci beaucoup Aurélie. Je t'en prie. Vive la Schtroumpfmania. Ouais. Oui. Et bon anniversaire. Et d'ailleurs bon anniversaire aussi si vous fêtez aussi vos 60 printemps aujourd'hui. Ans, ouais. Comme les Schtroumpfs. Voilà, ça vous fait un bel avantage. Vous êtes nés le même jour que les Schtroumpfs. Incroyable. Félicitations. Wow. Bon anniversaire à vous. Ah oui. Ah, je voulais chanter puis non finalement. Si tu veux être swag, alors comme mamie Monique, écoute le 6-9 sur Énergie. C'est le 6-9. La seule émission qui fait lever ta voiture comme dans les films. Comme dans un film de bondir, là. Ouais, exactement. Bonjour tout le monde, 7h36, voici George Ezra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. On démarre ce mardi tous ensemble sur Énergie, 7h38, David Guetta, Anne-Marie pour la suite. Don't you ever leave me, don't you ever. Et c'est comme ça tous les mardis à 7h35, c'est le jeu du bottin avec notre Jérém. Jeu du bottin. Jeu du bottin, ta ta ta ta. Avec Jérém, avec Jérém, avec Jérém, on rappelle le concept du jeu du bottin. On appelle des monsieur, madame en Belgique. On voit si ça existe en fait. Voilà, exactement. Par exemple, hein, vous allez directement comprendre. Est-ce que madame hier existe et est-ce que je l'ai eu au téléphone? Madame hier ou madame hier? Hier, comme demain, hier, aujourd'hui. Ah, ok. Hier, quoi. Hier. Madame hier. Non. Non. Allez, non, j'y crois pas. Non. Oui? Oui, bonjour. J'aimerais parler à madame hier, s'il vous plaît. Eh bien, ce n'est pas moi. Ah, et vous êtes madame? Demain. Ah oui, je me suis trompé de jour alors. C'est ça. Ouais. Sans doute, oui. Oui. Eh bien, demain est un autre jour, j'ai envie de dire. C'est une bonne devise. Oui. Et hier, c'était hier, demain sera demain, et aujourd'hui, c'est... Eh bien, c'est aujourd'hui. Voilà, comme vous dites. Allez, je vous laisse, madame, demain. Ah ben, écoutez-vous, vous avez du temps à perdre. Hein. Je vous fais plein de gros bisous, madame, demain. Au revoir. Très gentil, madame, demain. Et dire que t'es payé pour appeler des gens toute la journée. Mec, j'avais la même truc. Et dire que t'es payé pour ton temps. Je perds pas vraiment mon temps parce que... Est-ce que vous pensez que j'ai eu madame Gaul? Madame Gaul comme au foot, quoi. Madame Gaul. Ouais, moi, je vois bien. Ah Gaul, ouais, il y a moyen. Ouais, ça me ferait rire. J'espère. Allô? Oui. Yeah. Vous m'entendez? Ja. Ja, je spreek een beetje Frans? Nee. Nee, je cherche madame Gaul. Nee, dat is niet, nee, c'est pas chez moi. Ah, vous êtes madame comment? Poteau. Oh mince, jamais de bol. Encore un poteau. Oui. Bah oui, c'est pas Gaul. Non, poteau. Trois fois en moins de 90 minutes. Oui. Oh là là là là là. Poteau rentrant. Apparemment pas. Ah oui, oui. Bon, allez, là c'est une petite pépite. Madame pleure. Madame pleure? Oui. Non. Oui, oui. Si. Non, moi j'y crois pas. Non, allez. Moi non plus j'y crois pas. Oui. Allô? Allô? C'est bien madame pleure? Vous dites madame pleure, c'est ça? Oui, madame pleure. Eh bien, moi, c'est madame rigole. C'est pour ça que je vous ai fait rigoler, je vous ai fait répéter. Madame rigole. Et tout le temps? On rigole tout le temps. Oh, ben vous faites bien. Ça me met de bonne humeur, moi, quand j'entends ça. Madame rigole? Oui. Oh! Moi, c'est monsieur, en fait. Ah, c'est monsieur. Oui, mais c'est pas grave. Je ne suis pas monsieur pleure, donc tout va bien. Ah bon, ça va, alors. Allez, au revoir. Gardez votre bonne humeur, surtout. Oui. Au revoir, Andy. Au revoir. Ah, la mignonnerie, toujours avec les mamies, c'est incroyable. Madame rigole. C'est génial de s'appeler Madame rigole, je trouve vraiment. Ouais, et puis t'as vu comment, quand je lui ai dit Madame pleure. C'est le jeu du bottin qui reviendra la semaine prochaine, évidemment, à la même heure. Tous les matins de 6h à 9h. De 6h à 9h. Le 6-9. Le 6-9 sur Énergie. Et si vous avez envie de gagner ce matin un iPhone XR, restez branchés. Je vous explique juste après David Guetta et Anne-Marie comment repartir avec ce petit bijou de technologie. I don't wanna lie, can we be honest? Right now, while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, and don't you ever go. I've seen it on TV, I know. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV. Sur Energy dans un instant. On va réveiller ce matin en mode lover dans le 6-9. J'adore ce titre. 7h45, du cadeau pour vous, de l'iPhone à gagner ce matin. Gagnez l'iPhone XR avant tout le monde grâce à Energy. C'est offert par Energy et Orange, le tout nouvel iPhone XR qui vient à peine de sortir puisqu'il n'est même pas encore sorti, mon grand. Ouais. Il sort vendredi, vous allez l'avoir avant tout le monde puisque vous le gagnez déjà toute cette semaine. Et vendredi, c'est Orange qui va venir dans les studios à l'occasion de l'émission publique avec Claudio Capéo. Et ils vont vous offrir l'iPhone XR en direct vendredi. Donc voilà, vous repartirez avec l'iPhone vendredi à 9h, vous repartez chez vous avec le nouveau. Et en plus de ça, vous serez là dans les studios avec nous, donc c'est super cool quoi. Enfin voilà, vous allez voir comment ça se passe une émission de radio aussi. J'ai bugué. Non mais c'est que des fois tu fais peur. Il part où? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Même moi je me fais peur. L'iPhone XR, si vous le voulez pour vous ce matin, il va tomber avant 9h. Enfin il va tomber, on va vous l'offrir parce qu'on va pas le casser déjà. Ouais. Vous l'avez pour chez vous, c'est simple, il suffit d'envoyer phone par SMS au 6018. Phone au 78, donc par message, hein, vous tapez ça, un petit texto, ça va très très vite, hein, très rapide. 1€ le message envoyé et reçu. Et on vous régale à 9h avec l'iPhone XR. Il y a quelques exemplaires en photo. Il a l'air magnifique. Ah, cet écran. Super beau, hein. Grand écran. Il n'y a plus le bouton home. Non. Comment on fait du coup maintenant? C'est dans l'écran que ça. Mais c'est avec le. Il y a toujours le bouton sur le côté, ouais. Tu vois. Et après, génial. T'as le Face ID, donc en fait, ça te reconnaissance ça te faciale. Ouais. Et alors, la coque de derrière, mais ils ont fait des coques pépites, hein, je vous le dis. Oh, il y a des couleurs en doré. Oh là là là là là, ouais, magnifique. Non, super beau. iPhone XR pour chez vous. Maintenant, vous envoyez phone au 78 pour vous inscrire. Bonne chance. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Run, run, run.

but nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go, it'll be alright. It'll be ce matin avec énergie, 7h54. Maroon 5, c'est ce qu'on écoute juste après. Et on parle ce matin de l'avion, j'aime pas. Courage à ceux d'ailleurs qui sont en route pour aller prendre l'avion ce matin, qui vont partir en vacances. Enfin, courage, en même temps, ça, tu vas en vacances. Il y en a qui prennent l'avion pour le business. Hein. Et pour le business, est vrai, évidemment. Courage à vous, ça va, ils ont l'habitude. Ils prennent ça comme nous, on prendra un taxi ou ouais, un, c'est ça, ouais. Le métro, quoi. On parle avec vous de ça ce matin, puisqu'il y a une hôtesse de l'air qui m'a éclaté, magnifique. Hein. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui ont tourné comme ça sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est le commandant qui pète un plomb. Ouais. Allez, monsieur, dame, on va tous faire la carioca. Et là, elle lance une Ola, quoi. Mais c'est génial. Toi, je suis sûr que tu ferais ça. Ah, mais moi, c'est certain. Mais c'est sûr, même. Toi, je suis sûr. Ladies and gentlemen, this is Captain speaking. Put your hands up in the air. I see you. J'aime pas ce matin dans l'avion. On en parle avec vous. Il y a Gaëtan qui nous a appelé 0800-234-56. Salut à toi, Gaëtan. Hello, l'équipe. Hello, les pifous. Hello. Comment ça va, Gaëtan? Avec vous. Ouais, très bien. Gaëtan, tu vas prendre l'avion bientôt ou pas? Non, malheureusement pas. Ah, bah désolé. J'aime pas en avion. C'est quoi toi, Gaëtan? Ben, ce que j'aime, c'est bon, le vol en lui-même et surtout quand il y a un trou d'air en fait. Non, mais sérieux ça? Comme ça. T'aimes ouais. bien ça toi? Ouais, je kiffe, ouais. Ouais, il est là, il fait Bello. C'est un peu ça. Et en même temps, vu le prix du billet, bon, on peut bien sûr s'amuser un peu. Quoi. Mais ça, un peu de sensation. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça arrive quand t'es en train de manger ou boire, quoi. Parce que... là, mais c'est non, le. Non, j'évite. Non. Ça me fait flipper, moi. T'as le cœur qui remonte comme ça dans la gorge. Ah, c'est mieux que la tour de la terreur à Disney ou le Dalton Terror à Walibi, hein, je vous dis. Quasi, ouais. Ah ouais, vraiment, c'est. Mais ça te fait plus flipper parce que tu sais que là, t'as pas vraiment de trucs de secours, etc. Tu vois. Quand même à quelques kilomètres d'altitude, tu vois, si tu tombes, ça fait mal. Bon, tu sais quand même avant de monter, quoi. Oui, c'est vrai. Oh, ouais, moi, dans ces moments-là, je rêve d'être avec tous des potes, tu vois, dans l'avion, et puis faire « Chauffeur, c'est un champion, vas-y !» Ah, le jour où il y en a un qui fait ça. Moins. Oh non, moi, je serais mort de rire. Ou mort tout court. On t'embrasse, Gaëtan, une belle journée à toi. Merci, bonne journée à vous. Bisous, très très vite. J'aime pas, il y en a qui sont arrivés au 30-18. On nous dit j'aime la Ola quand le pilote a bien fait son atterrissage. Ah non, moi je déteste ça. Ah, je vais commencer à applaudir. Ah, ça m'énerve. Non, ça m'énerve aussi. Non, ça me saoule. Mais, j'ai envie de vous dire, les gars, est-ce que dans votre boulot, on vous applaudit quand vous faites bien votre job? Non, t'as pas un mec qui est là. Oh bravo! Oh oui, t'as mis les pains dans le panier. Wouhou! Et bah lui, il a atterri, c'est son job, quoi, j'ai envie de te dire. 24 hours anymore, I was with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. Daylight trying to make J'espère que tout va bien pour vous ce matin. L'iPhone XR a chopé. Je vous explique ça dans un petit instant. On a les infos qui arrivent à 8h. Le duel énergie et Dimitri Vegas avec Like Mike. T'attendais. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié. Interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Goûtez notre nouvelle lasagne, élue par vous la meilleure de Belgique. Quoi de mieux que Com et à casa, à part la nouvelle lasagne bolognaise à casa. Oh, ça me donne faim. 8h01 sur Énergie, dans un instant l'actu, Dimitri Vegas, Like Mike, et là voici la météo pour aujourd'hui. Le temps sera généralement sec aujourd'hui. On aura des nuages, mais aussi de belles éclaircies. Côté température, entre 9 et 13, voire 14 degrés. Ouhou ! On s'informe l'actu de ce 23 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Mauvais bulletin pour les écoles francophones par rapport à la Flandre. Les classes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont toujours moins bien équipées en matériel informatique. À titre de comparaison, les écoles flamandes disposent d'un PC portable ou tablette pour 3 élèves en moyenne. En Wallonie, c'est un appareil pour 9 élèves, 11 à Bruxelles. Bon, des efforts ont quand même été faits. Le parc informatique des écoles francophones a progressé de 38% entre 2013 et 2017. La consultation à distance pourrait bientôt arriver en Belgique. Les solutions techniques sont prêtes, tout comme les textes de loi. L'ordre des médecins l'est beaucoup moins. Il s'oppose à la téléconsultation. Pour lui poser un diagnostic sans contact physique peut être dangereux. Enfin, en sport, en football, on joue la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ce soir, Athènes affronte le Bayern. Ça sera à 18h55. À 21h, l'Ajax fait face au Benfica. Manchester United joue face à Juventus. Et puis, Rome affronte le CSKA Moscou. On aura aussi Shakhtar Manchester City. Si vous inquiétez pas, la bonne humeur et la voix préférée sur Energy avec Dimitri Vegas, c'est Like Mike qui va arriver tout de suite. Et tous les fifous du matin sont là, toute l'équipe est là. Il y a Aurélie de la rédac. Bonjour. Et il y a Tiffany au standard. Ah. Il y a Tiffany au standard. Bonjour, bonjour tout le monde. J'en peux plus. Il y a Jérém aussi qui est là ce matin. Hello. Il y a Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour mon Marco. Oh là là, qu'on est bien avec vous. C'est un pur bonheur, un pur plaisir d'être avec vous chaque matin. Ah on bon. Finit la semaine en beauté puisque c'est les vacances après fin de semaine. Première petite pause. Oui, bah, il faut de temps en temps quand même. Hein. Ah, ouais. Voici Dimitri Vegas et Like Mike et juste après, Duel Energy. It's true if you believe, you can get anything you want to achieve. And that's worth to everything tatted on my sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. Ten toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. And buy my mama a house upon the hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. I'ma always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my gang, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the cost, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing out. Sur Énergie, Marshmello dans un instant. On va parler de Banksy aussi. Banksy. J'arrive jamais à dire, c'est très Banksy. Banksy, ouais. Cet artiste qui a fait beaucoup parler de lui avec la toile. Il refait encore parler de lui aujourd'hui. Je vous explique pourquoi dans un instant. C'est exceptionnel, je vous le dis. Avant ça, c'est le retour comme chaque jour à 8h05 de notre duel Énergie. C'est parti. Le duel Énergie. Nouveau duel ce matin avec une nouvelle maître du duel qui est apparue hier, comme par magie, qui a eu la chance de devenir notre maître du duel. C'est Jennifer. Elle a 32 ans, elle vient de Liège. Elle est déjà à 200 euros ce matin. Bonjour Jennifer. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ça va bien. Et toi Jennifer, en pleine forme? Oui, super. Au taquet. Eh ben Jennifer, on te souhaite de gagner encore ce matin, mais tu ne seras pas seule. Il y a Charline qui vient t'affronter. Oui, Charline qui travaille comme infirmière indépendante. Elle a une petite fille de 4 ans qui s'appelle Lali et puis elle aime la bonne cuisine et se balader quand elle peut. Donc Jennifer tremble puisqu'elle va te faire une petite picouse de rappel qu'elle va prendre ta place dans le duel énergie. Charline, bonjour. Bonjour. Tremble Charline. Très bien, elle va te faire une piqûre. Et je peux te dire que ça va. Une petite piqûre de rappel, moquez-vous. Il se moque. Oh là, il va y avoir de la fight. La battle. Charline, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Et toi? Excusez-moi, super. Mais je n'entends pas Charline. Regarde bien. Regarde bien la magie du blanc. Voilà, parlez-vous, allez-y, faites connaissance. Bonjour Charline, bonjour Jennifer. Bonjour Jennifer. Ah, salut, je t'entends. Et c'est important, hein. Attends. Ouais. Voilà, c'est bon, vous avez fait connaissance, je peux vous reséparer? Bah, ouais, ça marche. Oh, mais... Sinon, elles vont bah, se griffer, ouais. Elles vont se tirer les cheveux. Chacun de son côté. Jennifer, Charline, attention, règle fondamentale. Votre buzzer, c'est votre prénom. C'est très, très, très important. Vous ne donnez surtout pas la réponse tant que je ne vous ai pas donné la parole. C'est important, vraiment, ouais. Parce que sinon, ça peut... Disqualifier. On dit ça surtout pour Jennifer. Ouais. Aujourd'hui, nous allons jouer avec les années 2008. Ouais. Parce que, eh bien... Parce que c'est chouette. Parce que c'est chouette. C'était il y a 10 ans et voilà, c'est chouette. On joue avec les années 2008. Il faut reconnaître l'artiste, tout simplement. Vous nous donnez l'artiste. C'est tout ce qu'on cherche pour ce matin. Votre buzzer, votre prénom, 500 euros à gagner jusqu'à, puisque c'est 100 euros par extrait. Bonne chance à toutes les deux, voici. Ok, merci. Le premier extrait de ce nouveau duel. Jennifer, on t'écoute. Zao. Oh là là là là là là là là là là. Ah là, Jennifer, tu m'as l'air au taquet, toi. Au taquet. C'est une bonne réponse de Jennifer, ça fait 100 euros, ça fait un point ce matin. T'inquiète pas Charline, tout est faisable encore, tout est jouable, tout est reconnaissable. Ça fait que 10 ans que c'est sorti ça? Ouais, ouais. C'est ouf, ça faisait plus. Que 10 ans, ça fait déjà tu veux dire 10 ans. Non, j'ai cru que ça faisait plus. Deuxième extrait, ouh celui-là, je suis un peu sceptique, va être compliqué je pense. Bonne chance. I'm a new soul, I came to this strange world. Non, c'est pas merde. Non, c'est pas celui-là. Non. Et ben tant pis les filles, c'est pas pour vous ce matin. Peut-être que les fifous ont trouvé. Et si vous avez trouvé, vous envoyez duel plus la bonne réponse au 6018. C'est un euro le message envoyé et reçu. Duel au 78 plus la bonne réponse. Comment s'appelle cet artiste qu'on cherche? I'm a new soul, I came to this strange world hoping. Pas facile, hein. Il y avait Naïm dedans. Tout ce que je vois. Déjà, tu en dis trop, monsieur. Je ne donne pas plus d'indices. Duel plus la bonne réponse au 78. Bonne chance à vous, du cadeau aussi à gagner également pour vous, les fifous, ce matin. Les filles, voici le troisième extrait. On est pour l'instant à 1 point pour Jennifer, 100 euros pour Jennifer. Charline, tout est jouable. Bonne chance. Et ben voilà. Non. C'était pas avec le clip où il y avait les singes là. Non. Peut-être de singes. Non, ça tu confonds, ça c'était Bruno Mars. Ah oui, c'est pas Bruno Mars. Non, c'est pas Bruno Mars. Non, c'était pas Bruno Mars. Charline, Jennifer n'ont pas trouvé, on réécoute. L'équipe, une idée? Mais oui, moi je sais parce que je l'ai fait. Oui, ben pas toi, Tiffany. C'est pas le gars qui chante Air de la la what? Non. Ah, j'ai trouvé. Ouais. Jason. Jason comment? Jason Mraz. oui, c'était Jason Mraz. No more, no more, it can't wait. I'm yours. Les mal. Ça a déjà 10 ans, ça. Ça a déjà 10 ans, ouais. Comme ça, incroyable. Vous savez, PPDA avait quitté TF1 il y a 10 ans. Voilà. Ah bah merci. Merci pour l'information. Merci pour cette information exceptionnelle. Il est toujours là, Jérémy. Charline, Jennifer. Premier sur l'actu. Voici l'avant-dernier extrait. Pour l'instant, on n'est qu'à 1-0, donc tout peut se jouer encore maintenant. C'est parti. Chacun dit court, chacun dit vol. Ah oui, quand même, j'allais dire. Jennifer en premier, ça s'est joué à quelques secondes, mais quand même. Jennifer, on t'écoute. Christophe Willem. J'adore quand même. Willem. Est-ce que t'as le titre? Non, c'était Jacques Addy, et c'est donc bien Christophe Willem. Bravo, bonne réponse, oui. Jacques Addy vole, Jacques Addy tombe, Jacques Addy colle, Jacques Addy court, Jacques Addy. Je vous jure, je rêverais que mon boss s'appelle Jacques. Oh, Jacques a dit Non, il s'appelle Nico. Nous sommes à 2-0, 2 pour Jennifer, 200 euros ce matin pour toi Jennifer. J'ai envie de dire que tu restes notre maître du duel. Ça dit Charline, tout est faisable encore dans le sens où tu peux la bloquer et lui empêcher de gagner 300 euros. Voilà. Et comme ça, vous savez, il y a 10 ans, Ingrid Betancourt a été libérée. Voilà. Ah, bien. Merci, Jérém. Voilà. Toujours sur l'actu. Ouais. Voici le dernier extrait. Bonne chance, les filles. Et là, celui-là, il va être facile. Je pense ça va aller vite. Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Charline, on t'écoute. Les bébés brunes. Ben oui. Ça va partir ou pas? Dis-moi! Charline, ça fait bien ça, c'est bien bébé Brune. On n'entend toujours pas Charline. Et attends, je te la remets maintenant que c'est fini, je peux te la remettre chez toi, voilà, voilà. Vous entendez les filles? Oui, voilà, je suis là. C'est bon, tu l'entends? Non, j'entends pas Charline quand elle a répondu. Ah oui, oui, mais non, mais ça c'est normal, pour le duel, on est obligé de vous mettre chacun, sinon vous vous tapez dessus, ah, alors. Vraiment, c'est pas ah, bon. Oh. Et elle a donné la bonne réponse qui était bébé Brune. Bébé Brune avec 10 mois. Ah, oui. Et ouais. J'ai sauvé l'honneur comme ça. Elle a sauvé l'honneur. Charline, bravo quand même. Bravo. Merci d'être venue ce matin. Charline. Merci. Et puis, bah, Jennifer reste notre maître du duel. Ouais. Bravo, Jennifer. Avec 200 euros ce matin. Elle va être abonnée aux 200 euros, Jennifer. Ouais, elle monte deux par deux. Oui, je fais deux par deux. Voilà, exactement. T'as bien raison. 200 euros continue hier. Comme ça, ça nous arrange. 200 euros aujourd'hui, ça nous fait 400 euros pour toi, Charline. Déjà une très belle somme en deux participations. Ouais, super, quoi. Si vous voulez venir jouer aussi, vous, à Duel, eh ben, très simple. Il suffit d'envoyer Duel, plus rien du tout. Duel. Par SMS au 6018. Oui, dis-nous. C'est qui a demandé Jennifer. Il y a ma petite fille qui aimerait bien vous dire un petit coucou. Oh, ben bah oui. Allez, bonjour. Bonjour. Oh, chouchou. Bonjour. Oh, demain, c'est la Kids Night, ça me fait plaisir, on l'a fait avant l'heure. Comment ça va? C'est comment ton prénom? Ça va. Tu t'appelles comment? Maïline. Maïline. Coucou, Maïline. C'est trop chou. Mignon. Et tu vas à l'école aujourd'hui? Oui. Et vous, t'es où, là? T'es devant l'école, là? Il est l'heure, là, non? Oui. Oui, je sais. Oh bah Maïline, merci pour ton coucou. On t'embrasse très fort. Une belle journée à toi, ma chérie. Oui. Bisous. Bisous. Bisous. Bisous. Elle est trop chou. Hey, Jennifer, il faut qu'elle nous rappelle demain dans la Kids Zone, Maïline. Ah ouais, d'office, elle est trop mignonne. Ouais. On aura des questions à lui poser. Ça sera demain à 7h35 sur Énergie. Soyez là pour la Kids Line. C'est le moment où on laisse que les enfants nous parler. Voilà. C'est autorisé qu'aux enfants. Charline, Jennifer, une belle journée. Jennifer, demain, 8h05, on te retrouve pour un nouveau duel. À demain. Oui, à demain. Salut. À demain, ciao, ciao. Le duel Énergie. C'est le 6-9. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ? Energy Music Awards. Assistez à la soirée événement. Partez à Cannes, assistez au Energy Music Awards avec la phrase Energy. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux assister aux Énergie Music Awards à Cannes. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour les Énergie Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes. Énergie. Hit music only. Carglass répare. Un éclat dans votre pare-brise? Faites-le réparer maintenant. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne où et quand ça vous arrange. C'est super pratique et n'est possible que chez Carglass. Réservez maintenant votre rendez-vous sur carglass.be via votre PC, smartphone ou tablette. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Bah moi j'en vois même plusieurs. Ah bah oui, pour son anniversaire, Intermarché met des prix KO et en plus organise un grand concours. Oh, j'adore les concours. Une voiture, des chèques voyage, des produits gratuits et plein d'autres prix à gagner. Waouh, une voiture. Eh oui, et c'est jusque fin octobre. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Voir conditions en magasin. Les semaines clés en main débarquent chez Mercedes-Benz Vans. Et ça veut dire que vous allez faire le plein d'avantages jusque fin octobre. Des conditions exceptionnelles sur tous les utilitaires Mercedes-Benz. Ah, comme par exemple jusqu'à 5000 euros d'avantages sur un nouveau Mercedes Vito. Et comme tout est déjà inclus, vous n'avez plus qu'à prendre les clés et c'est parti. Les semaines clés en main, faites le plein d'avantages. Prenez les clés et c'est parti. Pour réserver un essai, rendez-vous sur vanshop.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz Vans. Vans, born to run. Baze présente les aventures de Data Doggy Bagman. Baze offre jusqu'à 24 gigas en plus pour tout nouvel abonnement. Et s'ils ne sont pas consommés, ils seront abandonnés à la fin du mois. Pas de soucis, moi Data Doggy Bagman, j'emmène tous les datas au mois suivant. Mais comment fait-il pour être aussi fort? Ah, ça c'est mon secret. Oh, il est fort et mystérieux. Avec les abonnements de Baze, j'emmène vos restes de data au mois suivant. En plus, en ce moment chez Baze, je fais fort jusqu'à 24 gigas en plus pour tout nouvel abonnement. Conditions sur Baze.be. Baze. En Équateur, une fille monte dans un bus. Trois hommes s'asseyent à côté d'elle. Ils la dévisagent. Stop, je veux pas entendre ça. Et puis les hommes la touchent. Ils lui lancent des injures. Stop, s'il vous plaît. Ils l'agressent. Ils abusent d'elle. Stop. Et dans le bus, il n'y a personne qui réagit. Stop. Stop. Oui, effectivement. La violence envers les filles doit cesser. Alors ne détournez pas le regard. Agissez pour les filles sur planinternational.be. Les enfants, vous venez m'aider à ranger les courses? T'as de la compote materne? Avec des bons morceaux? Oups, j'ai oublié. Et la mousseline materne bien onctueuse? Oh non plus. Oh, super nul. Mais j'ai la nouvelle granité de materne. Onctueuse et avec des mini morceaux de pommes. Ouais! Nouveau granité materne. La nouvelle sensation pomme. Merci les fruits. Merci materne. On va parler de Banksy dans un instant. Banksy, cet artiste qui a fait beaucoup parler de lui avec son œuvre. Et il fait beaucoup parler de lui aussi avec son nom imprononçable. Banksy, dans un instant, on parle de lui après Marshmello et on pense sur les routes ce matin, Aurélie. Alors, le tunnel Reyers a été fermé en direction de Bruxelles. Résultat, il y a des ralentissements sur l'E40. Vous perdez 36 minutes à partir d'Everlé. Un accident toujours depuis tôt ce matin sur le ring extérieur à hauteur de Groenendaal. Le ring extérieur de Bruxelles, la bande de droite est bloquée. Vous perdez 26 minutes à partir de Mont-Saint-Jean. Sur l'E400, il y a des ralentissements entre Rixensart et Auderghem. Vous perdez 41 minutes. Sur le ring intérieur, ajoutez 23 minutes entre Wautierbrenn et Heusingen. Et puis sur le 411 au sud du pays, ça coince entre Abbey et Sterpenich. Vous perdez une heure. Bienvenue, c'est le 6-9 sur Énergie. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. On reste équilibré avec Que Black dans un instant. Nous on brûle des bouteilles, équilibré. Nous on veut de l'oseille, équilibré. Attends le jour de la paix, équilibré. On va ensemble à les couilles. Oh bah dis donc, reste poli toi. Que Black, 5 euros dans la banane. On pourra jamais les donner. Elle pourrait donner 5 000 euros. Elle y a les moyens. Il y a moyen au moins, largement. On va parler de Banksy. Banksy. Cet artiste, alors on le connaît pas puisqu'il est, il protège bien son anonymat. On l'a jamais vu. Un peu comme les Daft Punk. Enfin quoique eux, on sait quand même plus ou moins où ils ressemblent. On sait comment ils se prénomment aussi. Exactement. Que lui, pas du tout. C'est ce qui reste le truc incroyable. Et alors vous le savez, hein, ça a fait le buzz cette fameuse toile qui a été déchiquetée au moment de sa vente. Ouais. Et ben, je sais pas si vous étiez au courant, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Ah bon ? Eh oui. C'était pas ça qu'il voulait faire ? Non, c'est pas ça qu'il voulait faire. Vraiment, réellement. Oh le con. L'œuvre qui a quand même été vendue 1,4 million de dollars et il reste un petit bout. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Ouais. Donc la toile passe à la déchiqueteuse, mais il reste un petit bout de la toile dans le tableau. Ok, ouais. Eh bien, il faut savoir que pendant les répétitions, tout c'était nickel, c'était bien timé. Toute la toile était déchiquetée. Ah non. En lambeaux par terre. Et donc il restait juste le cadre. Il restait juste le cadre. Et il y a eu un souci. Ce qui fait que ça s'est arrêté, on peut même pas dire à mi-chemin, parce que quand même les trois quarts ont été déchiquetés. Mais ça s'est arrêté, ça a bloqué, quoi. Alors que normalement, ça aurait dû se déchiqueter totalement. Et comment on sait que c'était pas prévu ? Bah, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui en a parlé, exactement. Oh. Ouais. C'est incroyable. Ah, mais c'est génial. Alors, ce qui est d'autant plus génial, c'est que du coup, ça a donné une valeur. Ça a mis x2 au tableau. Mais alors, imagine, j'aurais quand même bien voulu voir la testasse du gars si tout était. Mais mon tableau ! Tout par terre. J'ai mis 1,5 million. C'est ça. Tout en lambeaux, t'imagines ? Ça fait cher la déchiqueteuse quand même. Ah, ça fait très très cher, ouais. Le jour où tout ne s'est pas passé comme prévu, il y en a d'office. Ah, on a tous un jour où ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Tiffany du Standard. Oui, bah, ça m'est arrivé une seule fois. Je devais aller chercher quelqu'un à la gare. Et bah, sur le trajet, j'ai crevé un pneu. Donc voilà, pneu de rechange, sans rien, ne pas savoir changer le pneu moi-même. Ah, effectivement, c'était pas prévu. Non. Ou alors, il y a un problème. T'as jamais changé un pneu ? Ah, aussi, j'ai essayé, mais. Y arriver, c'est une autre histoire. Oui, voilà, c'est ça. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Aurélie de la Rédac. Mon accouchement. Oh. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Mais la péridurale, elle a arrêté de faire effet au moment où la petite, elle arrivait. Aïe. Oh. Donc j'ai tout senti d'un coup comme ça. Ça va, j'ai cru que t'allais dire que c'était pas le fils de ton. C'est une fille. Ah oui, là, une fille, ouais. On ne connaîtra jamais cette douleur, nous les hommes, et j'ai envie de te dire. Tant mieux. Ouais. Ouais. Le jour où ça s'est pas passé comme prévu, mon Frisco. Ouais, moi c'était quand le patron d'énergie m'a appelé pour venir bosser ici. Ah ouais ? Ouais, donc au départ, je venais faire un vendredi par semaine, je travaillais à la radio. Et donc je cherchais évidemment un temps plein, tu vois. Du coup, j'avais dans l'optique d'aller à Montpellier. Où j'avais pris un avion, etc. J'avais envoyé des mails, des offres d'emploi à Montpellier. Donc j'avais parti à Montpellier et en allant là-bas, on m'a appelé en disant on a un taf en Belgique. Du coup, j'étais quand même à Montpellier, mais j'ai accepté l'offre d'énergie. Un peu plus, on n'avait pas Frisco. Ouais. Imagine. Bon. On aurait plus à bouffer au repas. Jérém, le jour où ça s'est pas passé comme prévu. Oh, ma vie, ma vie entière. jamais prévu. Il faut savoir que moi, j'ai voulu une fois me couper les cheveux. Une fois. Plus jamais. Moi-même. J'ai vu. J'ai dû tout raser tellement c'était loupé. Non, pas la photo. Non, pas la photo. Sur Instagram. Mais pourquoi on va mettre un dossier gratuit ? J'ai pas fait le quiz de la dignité. C'est quoi ça ? Attends, demain, le quiz de la dignité, c'est toi. Oh non ! Si. Le prochain, c'est toi. C'est pas cool. On est où là ? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nous. On est où là ? Nous on encaisse le baiser, on trahit pas les nous. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai, on s'en bat les couilles, équilibré. The girl turn freaky. Equilibre. Them a fi wine pon the dicky. Equilibre. Go them pa yall of the city. Equilibre. Des femmes non c'est trop tôt et les belles filles si on dit on est trop logo. Ben ben grave nos motos. Qui prend les rênes ce soir c'est la street. Dans le carré VIP négé c'est la street. Qui envoie la bombe de bombe c'est la street. Ce soir c'est de la balle, le balle c'est la street. Ouais. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaisse le baiser, on trahit pas les nôtres. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut de l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai, on s'en bat les couilles. équilibré. The girl turn freaky. Equilibre. Them a fi wine pon the dicky. Equilibre. Do them fire like the city. Equilibre. See me inna the club, be a girl me a fuck. Talk them a talk, but my dubs them strong. That one day wicked, somebody a fi drop. Open the door when the guns them a knock. On vous offre l'iPhone XR ce matin. Si vous voulez gagner ça, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire maintenant. Il vous reste très peu de temps, moins d'une demi-heure. Allez, on go, vous offre go. Ça. Orange et énergie qui régale. Il suffit d'envoyer phone par SMS au 78. Ah, phone au 78. Un SMS, vite fait, bien fait. 1 euro le message envoyé et reçu. Et vous repartez avec l'iPhone XR à 9h. Phone au 78. Bonne chance. My room is dark, the blinds are shut tight. Everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling. Sans plus de 1 mètre de haut à 14,95€. Cora en fait toujours plus, beaucoup plus. Un prix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Dans un instant, c'est l'écran de Camille qui va arriver sur Énergie. Avant ça, 8h31, on va s'informer. Louis Fancy côté hit, et là, un point sur la météo. Le temps sera généralement sec aujourd'hui. On aura même de belles éclaircies. Quelques nuages, côté température entre 9 et 13, voire 14 degrés. Et pour nous informer à 8h31, mardi 23 octobre, c'est Aurélie Adam qu'on retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Pouvoir consulter son médecin par vidéo, ça pourrait bien être possible en Belgique. Les textes de loi sont prêts. La ministre de la Santé n'a plus qu'à donner son feu vert. Des tests ont été effectués ces derniers mois. Certains ont été plus que concluants, par exemple pour l'apnée du sommeil. La consultation à distance coûte moins cher et est plus confortable pour le patient. Pour l'instant, l'ordre des médecins s'oppose à la téléconsultation. Pour lui, poser un diagnostic sans contact est dangereux. Il estime que les consultations virtuelles doivent se limiter à des cas exceptionnels. Précisons qu'actuellement, 7 pays européens remboursent les consultations à distance. La 5G va pouvoir arriver en région bruxelloise. Un accord a été conclu entre la région et les opérateurs télécoms. Les normes d'émission ont été revues à la hausse pour permettre le déploiement de la technologie. Ces normes, elles seront de 14,5 volts par mètre contre 6 actuellement. Ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, mais il faut savoir que ces nouvelles normes seront encore 20 fois plus strictes que ce que conseille l'Organisation mondiale de la santé. Il avait bousculé les codes. Gilberto Benetton est décédé à l'âge de 77 ans des suites d'une maladie. En 1965, avec ses frères et sœurs, l'Italien avait créé la célèbre marque de vêtements de toutes les couleurs. Une marque surtout connue pour ses campagnes publicitaires très chocs, hein, comme celle qui montrait un curé et une sœur en train de s'embrasser. On termine avec du sport et du football. On joue ce soir à la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Athènes affronte le Bayern à 18h55. À 21h, l'Ajax fait face au Benfica. Manchester United joue face à la Juventus. Autre match de la soirée, Rome CSKA Moscou et Shakhtar Manchester City. Ouais, t'as oublié aussi le mien. Le tien ? Oui, psychopathe face à... sur FIFA. Ce soir. Oh, d'accord. Bon, y a t'es fait une soirée FIFA, toi ? Oh bah là, ça fait même un mois que je me fais d'une soirée FIFA. Ouais, hier, je t'ai vu, hein. Je t'ai vu connecté. N'arrête pas, mon ami. Alors, déjà 10 minutes que vous êtes arrivé au boulot. Et vous restez dans la voiture ? Tout ça pour écouter un peu plus de 6-9 ? Hey, faites gaffe. Vous êtes accro, là. Le 6-9 sur Énergie. C'est le 6-9. Eh oui, c'est nous, 8h34, bonjour. Bonjour. On est là avec toute l'équipe, avec la ravissante, charmante et bénéfique Camille, qui arrive dans un instant. Bonjour. Oui, je vais encore dormir sur le canapé, moi, si je continue comme ça. Ça arrive dans un instant, c'est l'écran de Camille, on parle de quoi ? De l'amour et dans le pré. Ah, j'adore. Je reviens ce soir. Oh, super. Confident you never get declined. Man come off and beg you take time. Fonse and Steph London. Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, pescando arena con sal. Yeah, come on. Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah, yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Calypso. 1, 2, 3 Calypso. 1, 2, 3 Calypso. 1, 2, 3 Calypso. Te daré. Calypso. 1, 2, 3 Calypso. 1, 2, 3 Calypso. 1, 2, 3 Calypso. Te daré. C'est la suite des hits sur Énergie dans un petit instant. Avant ça, 8h37, c'est le retour de Camille pour l'écran de Camille. Toute de rouge vêtue aujourd'hui, toute belle, toute peint à port. Mais oui, assortie à Énergie. Petit chaperon. Petit chaperon rouge. Rouge et noir. Noir. J'afficherai ma bleu. Peur. Camille qui vient nous parler de l'amour et dans le... Ouais. Et dans le veau, là. Je déteste cette émission. Pourquoi désolé. Pourquoi t'aimes pas? J'aime pas. Déjà, j'aime pas les prêts, donc voilà. Non, mais j'aime pas. Oh, je trouve ça bien, tellement moi. Cliché pour tous ces pauvres agriculteurs qui, je sais très bien qu'ils ne sont pas comme ça. J'en connais beaucoup. Bah, vraiment, oui. Moi, j'adore chécuter. Oh, t'inquiète, attends, chez moi. Voilà. Mais non, je suis désolé, j'accroche pas. Hein. Il en faut pour tous les goûts. C'est pas grave. Exactement. Mais je suis sûre qu'il y en a plein qui sont impatients que cette nouvelle saison commence. Et donc, ce soir sur RTL TVI. Moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est touchant. C'est moi amusant. Aussi, j'aime bien. Voilà. Donc, c'est une saison qui a été particulière au niveau des tournages. À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé de particulier cet été? La sécheresse? C'est ça, la canicule, exactement. Mais non, c'est à cause de ça. Ouais, exactement. Du coup, bah oui, en fait, ça a avancé la moisson à cause de la chaleur. Et donc, il y a eu beaucoup de tensions avec les prétendantes parce que les agriculteurs étaient beaucoup plus occupés à s'occuper De leur exploitation. De leur ferme, voilà, exactement. On et va donc, avoir ils avaient un moins... cours sur l'agriculture ce matin. Ils avaient moins de temps. Vous allez le voir dans l'émission, c'est pour ça que j'en parle. Donc, à mon avis, celles qui ont eu plus de chances de rester, c'est celles qui ont donné un petit coup de main supplémentaire aux agriculteurs. C'est quelle saison qui est lancée ce soir, à votre avis? On en a 8e, non? Non, non. 15. 7? Non. 10, 9. 10, ouais, c'est la 10e saison déjà. Oh là là. Ouais, c'est déjà la 10e saison, donc c'est un anniversaire. Qui présente Amour est dans le pré pour l'instant? Sandrine? Julie? Karine? Non, Sandrine, mais Sandrine Julie. Danse. C'est genre Sandrine danse maintenant, mais c'est qui Marco tu disais? Julie Taton. Julie Taton. Enfin. Il vient de se rendre compte de sa boulette. J'ai ripé, chef. Non, Julie Taton, évidemment. Elle a présenté effectivement les 30 premières saisons. Bonjour à tous, c'est Julie Taton dans cette nouvelle épisode. Je pense qu'on va pas y arriver du coup. Et donc elle revient alors pour cette 10e saison. Non, elle revient pas, mais on lui a posé quelques questions sur les débuts de L'Amour est dans le pré à son époque. Par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre les agriculteurs qui ont participé à l'époque et ceux de maintenant? Est-ce qu'ils abordent l'émission différemment, notamment avec les réseaux sociaux, les buzz, etc.? Oui, chez les plus jeunes, tu sens un petit peu qu'ils ont capté quelque chose et je vais pas dire qu'ils en jouent, mais en tout cas, tu sens qu'ils sont plus réceptifs à ce genre de choses. Maintenant, chez les plus âgés, non. Pas du tout, parce qu'à la limite, ils ont regardé la télé, mais ils sont peut-être pas spécialement fans et adeptes, parce qu'ils n'ont pas spécialement le temps non plus, faut pas l'oublier. Donc je pense que de par leur rythme de vie, ils sont moins enclins à aller sur Twitter, sur Facebook, etc. Mais tu sens que c'est des vrais, c'est des personnages vraiment touchants, et c'est ça qui est chouette en fait. Touchant. Ah bah avec une voix comme ça, elle pourrait plus s'appeler Julie. C'est vrai qu'on rigole beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes? Et rien, on enchaîne. Il essaie de se rattraper. Oui, c'est ça. Avec tes tons. Oui, c'est pas. Bref, c'est vrai qu'on rigole dans l'émission, mais on rigole ici. Je veux dire, mais on rigole aussi un peu en regardant L'Amour est dans le pré, même si c'est toujours bienveillant, parce que c'est vrai que les agriculteurs sont touchants. C'est vrai que ça, c'est une des particularités de l'émission. Oui, j'ai du mal, pardon. Ce qui était génial aussi dans cette émission, c'est qu'on ne se moquait pas. Et on ne se moque toujours pas d'ailleurs. On était avec l'agriculteur, on rigolait avec, et on vivait des moments. Où en fait, moi, je le mettais face à l'énormité qu'il venait de dire, mais il s'en rendait pas compte. C'était touchant, en fait. Et c'était vrai. Et c'est ça qui est chouette. Ouais, mais je trouve que des fois, ils se moquent quand même, moi. Ouais, des fois, je trouve que c'est moqué quand même. Ils se foutent de leur ton, j'aime pas trop. C'est vrai, ça que j'aime pas. C'est vrai. Mais bon, voilà, il y a quand même toujours. C'est vrai. Mais ton avis, que ton avis m'intéresse. Non, si, ça m'intéresse, mais t'as raison. Donc voilà, c'est vrai. Mais cela dit, il y a quand même toujours des anecdotes à raconter sur les tournages. C'était Vincent qui, à un moment donné, me regarde. Oui, elle est bien. Oui. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, Vincent? Et il me dit, non, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais t'as vu ses ongles? Il dit, comment est-ce que tu veux qu'elle trait? Elle avait des ongles de 2 cm. Et là, tu fais, ah bah oui, j'avais pas pensé à ça. Mais je dis, mais par contre, pour les papouilles dans le dos, c'est hyper agréable. Il dit, ouais, mais bon. Ouais. Il n'y a pas le temps pour ça. Hein, la pauvre vache, elle va lui couper le pied. Mais... Faut respecter le vac, attends. C'est ça. Le vac. En tout cas, pour ceux qui aiment bien L'Amour est dans le pré, c'est ce soir à 20h20 sur RTL TVI. Par contre, si c'est comme les autres années, il faudra peut-être parfois un petit peu se concentrer pour comprendre ce qu'ils disent. Ah oui, c'est à quelle heure tu m'as dit? 20h20. Sur quelle chaîne? RTL TVI. Donc à noter, 20h20, ne surtout pas regarder RTL TVI. Ah bah moi, je serai devant. Mais voilà, voilà. Oui, c'est ça. Ah oui, il y a le foot. Oh, oui, il y a plein de trucs ce soir, c'est vrai. Donc, voilà. Faudra choisir. Mais voilà, oui, il y avait un son, mais c'est pas grave. Tu peux le dire. Je ne l'ai pas. Si tu l'as. Je le mets. Allez, Non, allez, vite. On va les mettre alors. Tu choisis les photos d'abord ou tu lis les lettres? Je peux pas, je peux les voir. Hein. On va bien faire On dirait moi qui parle. C'était notre langue, c'était pas du tout. La bouche pleine. C'est l'amour est dans le pré au Bangladesh ou quoi? C'est ça. Mais. Voilà. Allez, bonne semaine. Tout. Merci. Hey, du bruit pour Camille, s'il vous plaît. On l'a pas aidé. Hein. On l'a déconcentré tout au long de la chronique. Bon, c'est pas grave, ça arrive. C'est merci. Fini. Ben oui, c'est pas arrêté, non. 8h42 sur Énergie. Même si t'es pas fini, j'arrête là. Where we all came from, the dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from, the dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. Sur Énergie, il vous reste moins de 10 minutes pour gagner ça. Vous gagnez l'iPhone XR avant tout le monde grâce à Énergie. Le tout nouvel iPhone XR offert par Énergie et Orange. On vous offre ça ce matin. Ça va tomber dans moins d'un quart d'heure pour chez vous à la maison et vous l'aurez avant tout le monde puisqu'il sort vendredi. Et vous viendrez vendredi dans l'émission en public. Comme ça, vous verrez Claudio Capéo, vous verrez tout le monde, tout ça. Ça voilà, c'est génial. Et puis, vous repartirez avec votre iPhone XR à la fin de l'émission. Ça pourrait aller, vous aller, aller vous la péter au bureau avec ça ou à l'école en disant hey, t'as vu mon pote, il est là avant tout le monde. Et si vous voulez le gagner, avant ça, il faut s'inscrire quand même, ça va pas tomber tout seul. Vous envoyez Phone maintenant, Phone par SMS au 6018, Phone au 78. Il vous reste moins de 10 minutes, on vous appelle et on vous offre l'iPhone XR pour chez vous à la maison. Phone au 78, bonne chance. Nouveauté Énergie, c'est Benny Blanco. Ça arrive dans un petit instant, évidemment, pour bien démarrer la journée ensemble. 8h46, c'est le 6-9. Change rien. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Énergie. It's music only. Cet hiver avec Engie, offrez un coach à votre chauffage. Il vous donnera le meilleur de son rendement. 4, 2, 1, 2, 1. Qu'est-ce qui se passe? Un souci avec le chauffage? Ah, allez, tout va rentrer dans l'ordre, le technicien arrive. 3, 4, on tient le coup, c'est parti. 2, 1. Avec Engie, vous profitez d'un service complet qui vous envoie rapidement un technicien agréé pour une réparation. Appelez Engie 7 jours sur 7, 2 jours comme de nuit. Nous vous aidons dans les 24 heures. Oui, c'est bien ça.

just came to beach. So baby, run now. Play with me. Run away now. Run away now. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. The city where the sun all set. 8h53 sur Énergie, James Arthur dans un instant. Et c'est notre James Arthur à nous aussi, le beau gosse de la radio, c'est Tanguy qui arrive pour vous servir à partir de 9h jusqu'à midi. C'est gentil, il a une très belle voix en plus, James Arthur. Eh, on pas a mal, pas parlé hein. de ta voix toi. Ouais. D'accord. C'est la playlist partagée, vous pouvez aller faire la vote énergie.be, ça arrive dans un tout petit instant. Et Tanguy, bah tiens, pourquoi pas jouer avec nous, puisqu'on va faire un Doremi Fabrol maintenant. Est-ce que t'as déjà entendu ce jeu dans notre émission? Oui, évidemment. Évidemment. Doremi Fabrol. Oui, non, c'est... je sais plus comment. Joue. C'est la réponse de... Bah, évidemment. Évidemment, attends, qui... J'écoute jamais, mais évidemment. Doremi Fabrol, c'est simple, on va mettre un casque sur les oreilles à quelqu'un de l'équipe, on va lui mettre une musique, et il va devoir chantonner d'autres musiques. Et nous, on va devoir deviner les musiques qu'il chantonne. Voilà, c'est simple, assez courtois. Ouais. Tiffany, qui vient jouer avec nous aujourd'hui? C'est Alissa, qui travaille comme vendeuse dans un magasin de vêtements pour enfants du côté de Châtelineau. Elle a deux enfants, Télio et Maïla. Maïla. Elle est passionnée de pâtisserie et en ce moment elle regarde la série Grey's Anatomy. Elle est 8h54, elle tient pas jusqu'à 9h aujourd'hui. Alissa, bonjour. Alissa. Oui, salut. Ah, Alissa, c'est Tiffany, elle avait oublié d'appuyer sur le bouton. Non, elle était là. Oui, il y a eu un petit bug avec le prénom de ma fille. C'est comment? Dis-nous, ça sera plus simple. C'est Maïla. Maïla, ben oui, voilà. Désolée. Excuse-moi, Alissa. Ah, Tiffany, c'est pas possible. Hein. Pas possible. On va jouer Maïla ce matin. Alissa, on va jouer avec toi ce matin au Doremi Fabrol. Donc, tu as compris le concept. Il va falloir reconnaître les musiques qui vont être chantonnées par quelqu'un de l'équipe. T'as envie de jouer avec qui? On va prendre une fille. Hein. J'espère qu'elle se sent sympa avec moi. Oui, alors, il y a Tiffany et Aurélie de la rédac. Allez, Tiffany, on y va. Eh bien, ça sera Frisco qui va jouer avec toi ce matin. Oh non, et alors là, je peux te dire... On est mal. Non, j'ai mais vraiment... J'ai pas pris la plus nulle, au moins. Il a... De quoi? J'ai pas pris la plus nulle, j'espère. Ah ben non, parce qu'en fait, c'est moi, en fait, Frisco. En fait, Frisco. Il a décidé autrement. Oui, t'inquiète pas, on va prendre Frisco, il est pas mal, tu verras. Il est bon. Bon, allez, allons-y. Ce Doremi Fabrol s'annonce magique. Allez, attention, Alicia, concentration. Qu'est-ce que tu mets dans tes oreilles, Frisco? Attends, je t'entends plus. Je mets Bébé Brune. Dis-moi, je me suis chauffé avec le duel de tout à l'heure. Attends, je t'entends plus, mais il a quand même la réponse à ma question. C'est formidable. Ah, pas mal. Il a mis ça dans ses oreilles, Alicia, donc Bébé Brune, dis-moi. Intéressante. Et il va falloir trouver d'autres titres qu'il va nous chantonner maintenant. Attention, concentration, Alicia. Frisco, quand tu veux. Ah, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et c'est une couleur aussi. Qu'est-ce qui tombe du des arbres là, dans les chapelles qui picotent? Non, tu vois pas. Comment? Qu'est-ce qui tombe des arbres? Ils peuvent être glacés. Oui, ils peuvent être glacés. Ils sont cinq. Chaud, chaud, là. Chaud, chaud, chaud. Il a été dur. Moi, je trouvais qu'il le faisait bien, Frisco. Ouais, franchement, ouais. Il faut être honnête, c'est l'un des meilleurs de l'équipe au Doremi Fabrol, Frisco. Franchement. Allez, on y va. Deuxième. Me chauffe pas trop. Deuxième extrait. Remets ton casque avec les bébés brunes. Ok. Quand tu veux. La la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la. Ouais, j'ai trouvé. Il vient vendredi. La la la la la la la la la la la la. Il est normal, il est bien. Bon. Alicia, une petite idée, il vient vendredi. Son prénom, c'est Claudio. Non. Maître. Ah Maître quoi? Maître Capello. C'était Maître Capello. Claudio Capello. Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Il sera notre invité vendredi pour l'émission en public, pour la dernière de la semaine et la dernière avant les vacances aussi, les copains, la dernière du mois. Ouais, on a dit qu'on ferait tous les derniers vendredis du mois une petite émission en public et Claudio Capello sera notre invité. Bah, il était encore une fois bien imité, je trouvais que tu t'en sortais bien, mon Frisco. Merci, mon poulet. Bah oui, dis-moi, je trouve qu'il fait ça très bien. Voilà. Bon, Alicia. Oui, attends, c'est le dernier. Le petit dernier, ah oui, c'est pas le plus simple en plus entre nous. Concentration, Alicia, quand tu veux, mon Frisco. Alors, sur moi. La la la la la la la la la la la la la la. Ah non, j'arrive pas. Attends. Moi j'ai trouvé. Sérieux? Ouais. Oui. La la la la la la la la. Oh. On dirait Maroon 5 de nouveau. Et il est venu il y a pas longtemps en plus. Tu mets pas un peu de la guitare comme ça? Ouais. Mais il chante en français. Il chante en français. La la la la la la. La la la la la la. Une petite idée. La la la la la la. Une petite idée, Alicia, ou pas? Mais non, je suis nulle avec les titres en plus. Mais juste l'artiste, ça suffit. C'est si je te dis qu'il est au soleil, au solaire. Moi, je me suis trompé. C'était... Celui qui commence. Il a une ceinture et il est au soleil. Il a une ceinture et il est au soleil. Ouh là là là là. Alvaro Soler, tout simplement. Ah, je pensais que c'était Kenji. Mais moi aussi. Ouais. Ah, vous voyez, vous étiez trompé. Eh ben non, c'était Alvaro Soler. Là, là, là, là. Là. Bon, ben bah, écoute, non, c'est Alvaro Soler, je... Ah, ouais. Eh oui, c'est pas grave, Alicia. Écoute, c'est quoi? Je suis désolé, en tout cas. Je suis sympa, je t'offre quand même la dernière compil énergie pour chez toi, Alicia. Super. Est-ce que je peux faire un petit coucou? Oh, t'exagères. Vas-y, hein. Vas-y, Alicia, fais-toi plaisir. Au moins ça. Fais un petit coucou à mes collègues qui m'écoutent, à ma cousine, à mon frère Mallory et à mon chéri que j'aime plus que tout. Voilà. Oh. Eh ben, le message est passé à Alicia. On te souhaite une excellente journée avec énergie. Bisous à Merci toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Une bonne Bisous. Journée. À bientôt. Bisous, Bisous, Alicia. Dans un petit instant, on vous offre l'iPhone XR pour chez vous à la maison. Il vous reste exactement moins de 3 minutes pour vous inscrire. Phone au 78. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry. Like, ooh, oh, ooh, oh. I know I do this every time. Like, ooh, oh, I know that I just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. And I hope you find somebody. Give up on me, cause babe, I'm hopeless. The more it hurts, the more you try. You know I loved, I just never showed you. It'll be too late when you're with some other guy. Like, ooh, oh, ooh, oh, I know I do this every time. Like, ooh, oh, got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better, and you don't realize. You deserve better, better, better than me. You deserve might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. And I hope you find somebody. Gagnez l'iPhone XR avant tout le monde grâce à Énergie. 9h02 sur Énergie, on va vous laisser avec Tanguy pour la playlist personnalisée dans un instant. C'est qui mon chouchou aujourd'hui, tu sais? C'est Anna. Non, excuse-moi. Excuse-moi, non, c'est parce que notre patron a acheté l'iPhone XR. XR, ouais, ouais. Et il a fait une photo de moi et je l'ai montré à Jérém. Et je trouve que la qualité est quand même assez impressionnante. Oh, terrible. T'as vu mec. Oh, t'as vu, l'impression que c'est fait avec une un appareil photo professionnel. Mais en fait, t'es beau, hein. Mais non, on dirait que j'ai des boutons. Magnifique, franchement, la qualité des photos est sublimissime. Ouais. Ces photos, vraiment qualité appareil photo professionnel. C'est ce qu'on vous offre cette semaine. L'iPhone XR pour chez vous à la maison. Le moment est venu de vous appeler. Oh. En direct, c'est parti. Composition du numéro, ma Tiffany. Et alors, vous pouvez vous inscrire évidemment en Faune au 78. C'est 1€ le message envoyé et reçu. Faune aussi, 018. On vous appellera peut-être demain à 9h et vous le gagnez avant tout le monde. Puisqu'on vous l'offrira vendredi. J'ai eu peur, j'allais dire, me dis pas que. Mais donc, ça ne répond pas. Me dis pas que c'est pas vrai. Oh non, ça répond pas. Ça, c'est pas possible, hein. Toujours possible. Mais les gens, ils savent qu'on les appelle à 9h et ils répondent pas, quoi. Oh, ça répond pas, on appelle quelqu'un d'autre alors. Non, je suis là, allô. Allô. C'est pas. Allô, elle a perdu 1000 euros. Écoute, ouais, prends un autre numéro parce que. Ouais. Non, ouais. Alors. Deux petites secondes, je compose votre numéro. Allô. Allô. Ça répond pas. Bah non, c'est. Non. On n'entend pas. C'est comment. Non, allô. Allô. Attends, on entend une petite voix. Allô. Allô. Oui, je suis là. Ah, non, c'est non, qui. Non. Lorata. Zavata. Je rigole, on t'entend depuis tout à l'heure. C'est gagné. Ouais ouais ouais. C'est la fête, c'est la fête. Eh ben oui, tu repars avec ton iPhone XR, c'est gagné, bravo à toi. C'est comment ton prénom? Merci. Lorada. Lorada. Elle a fait péter un câble. Hein. Oui. Oh, c'est quoi cette radio de merde, on m'entend pas. Et vous allez me faire peur, j'ai pas eu un spa. Non, dis quand même pas. Eh ben, bravo à toi, en tout cas, l'iPhone XR pour chez toi à la maison, bravo. Et tu viendras nous voir vendredi pour venir le rechercher ici, tu l'auras avant tout le monde et tu pourras te la péter vendredi au bureau. On te souhaite une excellente journée. Merci, à vous aussi. Oh, merci beaucoup. Et puis, quand tu veux, tu reviens, t'es la bienvenue. Bisous à toi, ma belle. Bisous, belle journée, les copains. On revient demain. Demain, dès 6h, on sera de retour pour une nouvelle émission avec vous. Demain, c'est mercredi déjà, avec notamment la Kids Line à 7h35, avec tous les enfants qui seront avec nous. Ah ouais. Vous avez moins de 12 ans. Appelez-nous demain, ça nous fera plaisir à 7h35. Hakuna. C'est mort, signifie que tu vivras ta vie. Au bureau, ne vous prenez pas la tête en famille, ça sert à rien. Et oui, parce que la vie c'est la fête et on la fête ensemble chaque matin. Ouais. Dans la bonne humeur, sur énergie avec le 6-9, avec vos hits préférés. On revient demain dès 6h. Bisous Tiffany. Bisous bisous tout le monde. Bisous Aurélie Darézac. Bisous bisous. Bisous moi Jérém. Et ce soir, il y a du foot, Hakuna Matata, ne vous engueulez pas avec votre femme. Hakuna Matata mon Frisco. Hakuna Matata mon Marco. À demain les pipos. Hakuna. Je ne peux pas répondre à Hakuna Matata. Matata. Hakuna Matata. Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hein? Fini, on ferme là. On ferme. Ouais, c'est ça. On ferme. À demain. À demain. Le 6-9 revient. Demain. Dès 6h. Dès 6h sur Énergie. Vous venez de nous rejoindre. Ah bah soyez les bienvenus sur Énergie. Il est passé 9h et tous les jours à 9h, c'est la playlist partagée. Playlist partagée, playlist partagée. Vous connaissez pas encore? Oh bah non, ça va pas. Playlist partagée, c'est 5 titres que vous choisissez, vous mettez ce que vous voulez et moi je vous le diffuse à partir de 9h. Rendez-vous sur energie.be pour faire votre playlist. Ce qu'a fait Anna de Tubiz, elle a choisi Alvaro Soler. Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento se desvaneció, desapareció. Ya no te creo. veces que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Sin tu mirada, dime, Sofía.